Merci à tous pour cette première journée du CIRA de l'année. Zvonimir, ici présent, on habite Paris, mais il a un pied à terre dans la Drôme, donc c'est moins loin, il a pu nous rejoindre facilement. Zvonimir Novak, comme son nom, il est d'origine croate, donc la conférence va être en croate, mais on a un camarade qui est je ne sais pas où et qui parle couramment croate. Vous discutez après parce que c'est un traducteur et il parle le croate, le bosnien, le serbe, donc il parle plein de langues à son actif, donc il n'y a pas de problème, tu peux faire en croate. Je ne sais même pas si tu parles croate parce que tu es... Oui. Si tu parles quand même. Non, je comprends très bien. Hein. Je comprends, mais parler, je ne parle jamais. Hein. Bon, enfin, ça, c'est pour expliquer le nom d'origine. Et Zvonimir, il vient de me le dire. Donc, Mir, c'est la paix. Et Zvo, c'est la cloche. Donc, c'est qui appelle la paix. Ça, voilà. C'est un prénom magnifique. Donc, tu es à la retraite maintenant ou tu es continué ? Alors, je suis à la retraite, c'est un plaisir. C'est dingue. Voilà. J'étais enseignant en art appliqué. Voilà. Et je suis à la retraite depuis le mois de septembre. Ah. D'accord. Alors, quelle libération, hein. Prof, je savais pas que c'était aussi bon. Professeur d'art appliqué et journaliste, et il s'est spécialisé dans l'imagerie politique, là, donc on va en voir un bel échantillon aujourd'hui. Et tu as fait plusieurs ouvrages, tous à l'échappée. Enfin, il y a peut-être d'autres ailleurs. Moi, ce que je connais, c'est Tricolore. C'était l'histoire de la droite et de l'extrême droite. C'est ça. Donc, leurs affiches, leurs autocollants. Ouais. C'est assez terrible à regarder. Mais celui-là est quand même plus rigolo. Oui. Et Agitract, un siècle d'action politique et militaire. Donc, ça, c'est dans tous les domaines. C'est ça. Alors, c'est l'histoire du tract, d'un support, en fait. D'accord. Et donc, tous les conflits du XXe siècle, l'utilisation d'un média comme outil de propagande, hein, bien sûr. Et dans ce livre, Agitract, je voulais prouver en fait que le tract autrefois était illustré. On connaît, aujourd'hui on a l'idée, l'impression que le tract c'est que du texte, mais autrefois le tract était illustré un peu comme des petites affiches. Voilà. Alors aujourd'hui il vient nous présenter un gros bouquin avec le drapeau tricolore dessus. C'est de l'humour, on a mais fait c'est, ça. Ouais, c'est de l'humour, parce qu'il y en a aussi qui ont critiqué le texte, mais je pense qu'il y avait plein d'humour, parce qu'il y a le peuple français, tout ça, et l'ont pris au premier. Donc, Le Grand Cirque Électoral, c'est un livre qui est paru toujours à l'échappée il y a quelques mois, très beau livre. Donc, il y en aura quelques exemplaires en vente, et je l'annonce tout de suite, il sera 22 euros au lieu de 29. Prix spécial du 11 janvier. C'est ça. À toi la parole. Voilà. Alors, un grand remerciement au CIRA. Qui a préparé et organisé ce débat, hein, conférence. Ils ont fait très très bien les choses, j'en suis très surpris aussi à ce point-là. Et aussi, dans le livre, on va retrouver quelques documents du CIRA, parce que quand je suis passé il y a à peu près un an, je crois... Pendant l'été, ils m'ont ouvert un petit peu des documents, et on retrouve quelques documents qui ont été prêtés, que j'ai photographiés et réutilisés pour le livre, qui manquaient, notamment les documents de la Sauvignac, etc., des documents abstentionnistes. Hein. Et voilà, donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu l'idée de ce livre. Ça fait 4-5 ans que je travaille sur ce livre. Je suis collectionneur aussi, donc je récupère du matériel de propagande depuis très longtemps. Depuis, à l'époque où j'étais militant d'une organisation qui s'appelait l'Organisation révolutionnaire anarchiste, donc c'était très dangereux déjà à l'époque, et je militais, et à ce moment-là, je commençais à récupérer tout matériel, voilà, c'est ça. Ça, c'est le livre, c'est l'histoire d'un support avec tous les conflits et la démonstration. Vous voyez que ça sont des tracts, que le tract était illustré et c'était un outil important de propagande. Et curieusement, c'est en 68, on a beaucoup parlé, et l'image, bah, ça se comprenait, il n'y avait pas de moyens, donc c'était beaucoup de blabla, de textes, etc. Et là, voilà, il y a beaucoup de bandes dessinées aussi, et assez intéressant. Donc le tract et la bande dessinée, c'est aussi un sujet très intéressant. Enfin, pour moi. Il y avait des images d'Épinal, quelques-unes. Ah oui, ouais. Bien sûr, ouais. Oui, les images d'Épinal, ça c'est très important. Ça a été même utilisé dans les campagnes, les premières campagnes électorales en 1848. Hein. Ça c'est très intéressant. Alors, je vais commencer par donner quelques chiffres. Ça va vous rebuter un petit peu, mais ça veut dire l'ampleur du problème. Aux dernières élections législatives de 2017, il y a eu à peu près 57% d'abstention au deuxième tour. Ça veut dire que, voyez un petit peu combien de personnes sont parties voter. Et dans ceux qui sont partis voter, il y a eu plus de 1 500 000 bulletins blancs. Vous voyez un petit peu le chiffre, c'est tout de même assez considérable. Plus les bulletins nuls, vous savez, là où on griffonne n'importe quoi, on met des noms, on se venge, etc. Il y en a eu à peu près 500 000. Vous voyez ce qui reste? Et alors, quand on c'est ce que j'expliquais, quand on parle de des dernières élections en Algérie, on n'est pas loin. C'est-à-dire, on n'est pas loin. Alors, on a parlé de boycott. Là, il y a quelque chose qui ressemble un peu à une forme de, quelque part, de boycott à ces élections législatives. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir, finalement, qui est élu avec très peu de personnes, très peu de pourcentage. Et pas que le pouvoir, mais l'Assemblée nationale, en général, ça correspond à quoi ? À 30-35%, vous voyez ? Donc on ne peut pas dire qu'on a une Assemblée nationale représentative, en fait. Voilà. Donc il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a des raisons historiques pour ça. Ce n'est pas qu'en France. Hein, aux États-Unis aussi, où il y a un système bipolaire catastrophique. Enfin, c'est pour moi comme une forme de dictature, quelque part aussi. Il y a un abstentionnisme incroyable. Il y a des campagnes abstentionnistes extrêmement importantes. Alors ça, c'est le livre sur l'histoire du sticker, édité par les éditions libertaires, mais ça, il n'en reste quasiment pas. Mais voilà, c'était l'histoire du sticker, celui-là. L'histoire de l'autocollant politique, vous voyez. Alors, pour revenir à ce problème du suffrage universel et du problème de l'abstention, il y a bien sûr des raisons. Ça m'a donné aussi envie, parce que je vois que ça décline d'année en année, que les participations, si vous voulez, sont de plus en plus basses. Alors ça dépend des situations. Dans les présidentielles, il y a une espèce d'effet de jeu médiatique qui fait qu'il y a peut-être un peu plus de participants, mais c'est vrai que dès qu'il y a des législatives, ça commence à descendre, etc. Les municipales, bon, il y a un peu plus d'électeurs, puisqu'il y a une proximité, etc. Mais il y a tout de même un gros problème. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais aller fouiller un petit peu dans l'histoire, rechercher un petit peu dans les campagnes électorales le problème, vous voyez, depuis le début, depuis 1848, le pourquoi, si vous voulez, d'un développement permanent de l'abstention. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque du début de la Ve République, l'abstention, c'était 20%, vous voyez. Donc on est arrivé à 57%. Donc, problème considérable, les gens ne vont plus voter, et pour quelle raison? C'est-à-dire qu'ils n'ont tellement pas confiance. Alors, c'est vrai qu'on dit qu'on est un peuple de frondeurs, ça on le répète tout le temps, c'est possible, hein, d'ailleurs, il y a quelque chose de possible derrière. Mais enfin, bon, le phénomène, il n'est pas qu'en France, on va le retrouver dans des tas de pays. Alors, cette désertion des urnes, j'ai essayé de la comprendre de deux façons. Par les documents, alors ça c'est pas ça, mais par des documents abstentionnistes depuis le début, notamment soutenus par les libertaires, parce que les libertaires c'était leur cheval de combat, vous voyez, dès le début pratiquement, avec Proudhon, ça a commencé tout de suite pratiquement. Et j'ai essayé aussi de comprendre à travers les élections mêmes. C'est pour ça que les panneaux que vous voyez montrent des campagnes électorales de façon un peu sarcastique, si vous voulez, avec les slogans ridicules qu'on utilise, avec les portraits des candidats, avec le marketing un petit peu stupide, vous voyez, qui ressemble à de la publicité, puisque c'est de la publicité, du coup, ça va pas plus loin, avec de plus en plus presque même des absences de programme. Donc on monte des cartes postales, enfin ça devient ça devient un peu n'importe quoi. Ça s'éloigne même quasiment du politique, etc. Donc on est à coup d'affaires médiatiques, voilà. Donc j'ai essayé de fouiller à travers même les campagnes électorales, la présentation des candidats, les débuts du marketing, si vous voulez, les causes et les raisons. Alors, je vais commencer par cette image, pourquoi ? Parce que on est là au XIXe siècle, et le suffrage universel, la demande de suffrage universel, c'est quelque chose qui est considéré comme révolutionnaire, vous voyez, par les républicains. C'est comme si ils allaient, les républicains, vous voyez, dans la première partie c'était subversif, cette exigence. Vous voyez. Et là, on a un massacre. En fait, sont des martyrs du suffrage universel. C'est-à-dire un massacre en Grande-Bretagne, en Angleterre, qui s'appelle le massacre de Peterloo, qui est un événement très connu en Angleterre. Et c'est une foule de gens plutôt humbles, vous voyez, de milieux populaires, qui réclament ce suffrage universel pour être à égalité avec les autres. Parce qu'il y avait un système qu'on appelait censitaire, où il fallait payer une certaine somme d'impôts, voyez, pour effectivement se présenter aux élections et pouvoir aussi voter. Et ça a été un massacre où il y a eu, je ne sais pas combien, une vingtaine de tués, 600 blessés, ils ont l'armée à charger, etc. Alors arrive 1848, en France, c'est la Révolution, hein, et presque par miracle, tout d'un coup, si vous voulez, l'Assemblée nationale va voter, si vous voulez, pour le suffrage universel, bien sûr, masculin seulement, hein, parce que les femmes n'avaient pas le droit de vote. Ils ont eu le droit de vote qu'en 1946 ou 5, 4. Ah oui, à la libération. Donc voilà. Mais autrefois, donc, les femmes étaient totalement exclues du suffrage universel. Et donc en 1848, l'Assemblée nationale vote l'élection au suffrage universel. Et à ce moment-là, ça devient un délire. C'est la première fois au monde, pratiquement. Les élections ont toujours existé partout. Mais il y a plus de 7 millions d'électeurs, de gens de toutes conditions, qui vont aller voter. Ils vont aller voter n'importe comment, hein, les paysans à cheval, en carriole, sur les ânes, etc. C'est un événement considérable. 7 millions, avant, dans le suffrage censitaire, c'était 300 000 personnes. C'est-à-dire que les gens riches, on les voyait dans les villages, passer devant les gens, presque arrogants, ils allaient voter. Et là, tout d'un coup, l'Assemblée nationale dit, enfin le gouvernement provisoire, plutôt, pardon, dit, désormais, dans notre pays, il n'y a plus de prolétaires. C'est-à-dire qu'ils considéraient qu'à partir du moment où les gens avaient le droit de vote, il n'y avait plus de prolétariat. C'est des termes que je n'ai pas inventés, puisque c'est des termes qui ont été dits à l'époque, etc. Donc, droit de vote. Et là, vous voyez une image, une gravure, pardon, de Boredon, c'est un ouvrier socialiste, qui montre que l'idée, c'est de remplacer le fusil. La révolte, vous voyez, puisque vous voyez ici fusil, par l'urne. Il y avait eu plusieurs révolutions auparavant, donc c'est 1830, la Grande Révolution française, et que ça se terminait souvent en bain de sang, avec des barricades, etc. Et tout d'un coup, les promoteurs disent « Le suffrage universel va empêcher finalement l'utilisation des armes de l'insurrection ». Voilà. C'était l'idée première d'empêcher, si vous voulez, des insurrections populaires, parce que effectivement, c'est les quartiers et les faubourgs d'artisans, etc., qui se révoltaient un peu partout, les quartiers pauvres, enfin, voilà, miséreux. Et ça, c'est vraiment l'idée même, si vous voulez, de l'établissement du suffrage universel. Là, vous voyez une gravure de Daumier, qui est un extraordinaire caricaturiste, et il dit « Vlama cartouche ». C'est-à-dire qu'en fait, l'idée vraiment, elle est très claire, c'est de dire « mon bulletin de vote va remplacer, si vous voulez, les armes et les combats et les morts, etc. » Mais ça ne va pas se passer comme ça. Pourquoi ? Parce que, ça semble peut-être un peu étrange, mais la première chambre élue, ça va être une déception énorme pour les Républicains. C'est-à-dire qu'ils ne vont rien comprendre. Et on va voir d'ailleurs, je vais vous montrer un document qui montre un petit peu, c'est donc les journaux de l'époque, le grelot, voyez-vous. Et on voit un personnage se transformer, voyez. C'est-à-dire qu'il est de monarchiste, il devient républicain. Donc il a été monarchiste, vous voyez, c'est caméléon, il est en bas, c'est un caméléon, vous voyez. En fait, il change de couleur au fur et à mesure. Alors, sous la République, donc même en 1848, même avec la Révolution française, eh bien, à l'Assemblée nationale, on va retrouver les mêmes. Ça, c'est marrant tout de même. Comme c'est étrange. par quelle magie on va retrouver pratiquement les mêmes individus que ceux qui gouvernaient avant, malgré le suffrage universel. Donc il y a une interrogation sur qui se présente, qui est élu, qui détient les moyens de faire, etc. etc. Et c'est une image assez intéressante. Alors à ce moment-là arrive un personnage très agaçant. Il est élu, lui. Bon, c'est pas un ancien monarchiste, bien entendu. Vous connaissez ? Okay. C'est ça, Proudhon, il casse tout. Il est très agaçant. D'ailleurs, il se rend compte très vite, il est élu. Vous savez, en même temps, qui est élu ? Lamartine. Ah ben, il y avait Lamartine, Louis-Napoléon. Au même moment. Et donc, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui tourne par rond, quoi. C'est-à-dire que il y a une chambre élue au suffrage universel par le peuple, c'est vrai, oui, mais qui est conservatrice. Alors qui sait que les républicains qui étaient révolutionnaires, ça voulait dire révolutionnaire, être républicain, c'est des gens qui se battaient, qui s'étaient battus toute la première partie du 19e siècle. Il arrive, il comprend, il se dit c'est pas possible, j'ai affaire à quoi ? Alors il commence à vociférer, à hurler, et puis à dire d'abord la propriété c'est le vol, vous savez, ça lui coûte tout de même, ça finit, il a 3 ans de prison, il est condamné à la prison très rapidement, parce que ça, faut pas trop déconner, mais faut pas exagérer, faut pas. Mais ce qui va se passer, c'est que sa critique des élections va amener, si vous voulez, petit à petit, les proudhoniens vont construire ce qu'on appelle le comité abstentionniste. C'est vraiment à partir de Proudhon que vont se construire les comités abstentionnistes qui vont durer presque dans les années 30, jusque dans les années 30. Hein. Ça a été abandonné à la Libération, etc. Mais pendant de très nombreuses années, il y a des gens, des milliers de personnes se sont présentées aux élections comme candidats abstentionnistes. C'est-à-dire comme candidats ne voulant pas se faire élire, en fait. Mais pour porter une parole plus démocratique, vous voyez, une démocratie directe, plus proche du peuple, etc. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Je pense que Syrah, vous en avez. Donc ça, par exemple, vous avez ici le début un petit peu des comités abstentionnistes. Et vous avez des groupes. Alors, ils adoraient, les anards de l'époque, ils adoraient se donner des noms d'animaux. Oui, je ne sais pas pourquoi. Alors lui, là, c'est le léopard du Panthéon, vous voyez, groupe anarchiste du Panthéon. Oui, les panthères des Batignolles. Voilà. Et en fait, c'est des emmerdeurs de première catégorie. Les têtes sont incendiaires. Ils maltraitent les candidats en parlant des prétentions permanentes. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des postes à prendre, c'est intéressant, etc. Alors là, il y a un personnage, d'ailleurs, un des responsables de la... Il s'appelle Mouchereau, je crois. Moucheron, Paul Mouchereau. Et un emmerdeur de première catégorie. Et, c'est-à-dire que empêchant les candidats de se présenter normalement, celui-là, il n'a jamais cessé d'avoir que des ennuis. Des centres de police permanentes, un militant... voilà, c'était l'époque où ça se battait, ça se... je veux dire, le suffrage universel était tout de même mis sur la touche, et il y avait des grandes campagnes abstentionnistes qui ne cessaient de le rappeler, qu'il y avait quelque chose qui ressemblait un petit peu à une forme d'arnaque. Et puis, avec les comités abstentionnistes... va aussi arriver des actions. Ça, si, je l'ai eu aussi par le Syrah. Et c'est très beau, d'ailleurs. C'est la feuille de Zodaxa. C'est très grand, comme ça, à peu près. Et figurez-vous que Zodaxa, qui était un descendant de la Pérouse, hein, de la Pérouse, c'est-à-dire du grand explorateur, c'est un personnage très mondain, mais très archi-militant, et il décide, si vous voulez, de présenter aux élections un âne. Vous voyez ? L'âne nul. Et voilà. Exactement. Et de quelle couleur, à votre avis ? Un blanc. Voilà. Donc ils ont trouvé un âne blanc qu'ils ont traîné dans tout Paris à la République. Ça fait une émeute dingue. La maréchaussée a embarqué l'âne. Ils l'ont amené à la Fourrière. Enfin bon, ça s'est terminé en émeute totale, etc. Voilà. Donc c'est des actions anarchistes typiques. Quand il a eu deux voix. Alors, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il n'a pas pu se présenter. Enfin, Zodatsa, il n'a pas pu le présenter. Et parallèlement, il y a des gens de très grand talent, comme par exemple Octave Mirbeau. Alors, Octave Mirbeau, il a écrit. Octave Mirbeau, il a écrit un livre qui s'appelle Les Grèves des électeurs. C'est un livre traduit en 40 ou 50 langues. Même en albanais, vous pouvez le trouver. Vous voyez ? Et en croate. Et en croate aussi. Mais c'est un pamphlet implacable. Hein. C'est réédité même en français sans arrêt. Sans arrêt. Là, j'en viens d'en demander encore un. Voilà. Pas, mais il y a des éditions, il faudra regarder. C'est ça. Alors, Libertalia. Oui, c'est tout. Mais c'est un monsieur de talent, d'un talent inimaginable, parce que c'est Tolstoï qui disait de lui que c'est un des meilleurs écrivains français de sa génération. Bon. Il a écrit plein de pièces de théâtre, donc un monsieur très sérieux. Donc pas du, on n'est pas du tout chez les ingouvernables, vous voyez. Je sais pas si vous connaissez, mais bon. On est chez des gens de talent inimaginable, etc. Et donc il a écrit ce pamphlet, et il va surtout... inventer des concepts qu'on va réutiliser tout le temps, nous, par exemple le mouton qui va à l'abattoir, voyez, et ça se retrouve dans son pamphlet. Il a écrit des pièces de théâtre pour Sarah Bernard, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est assez radical, mais Proudhon l'était aussi. C'est-à-dire que le problème pour eux, il n'y avait pas de problème ni gauche ni droite, c'est-à-dire que un candidat de gauche et de droite, il ne faisait pas la différence. Il parlait notamment beaucoup des socialistes qui profitaient finalement, qui fonctionnaient un peu comme des sophistes en fait pour être élus, et qui avaient un discours d'un côté et de l'autre des pratiques. Ça, on connaît par cœur. C'est assez dramatique d'ailleurs, parce que du coup, ça cause des problèmes importants. Et c'est à cette époque d'ailleurs que entre anarchistes et socialistes, il y a eu une grande divergence, parce que c'est les presque les mêmes gens, en fait, les socialistes révolutionnaires, enfin, pas tout à fait, bien entendu, mais à ce moment-là, il y a la voie électorale qui a été prise d'un côté, et les anarchistes qui sont restés sur une espèce de pureté idéologique en disant non, ça ne marche pas, c'est pas la démocratie. Voilà. Donc, Octave Mirbeau, alors j'espère que j'ai retrouvé le. Bon, voilà, Octave Mirbeau. Et autre exemple de candidat, donc on a Victor Méric, qui est aussi un très grand journaliste, hein, pamphlétaire, de talent inimaginable. Et donc eux, ils ont présenté le candidat Chenoc. Alors c'est quoi Chenoc ? C'est un anagramme de cochon. Voilà, c'est un anagramme de cochon. Et donc en fait, c'est celui qui change de veste tout le temps, qui est aujourd'hui... Alors vous connaissez ça on connaît toujours, c'est tout le temps, et en permanence, c'est comme ça, de toute façon. Ceux qui briguent souvent les postes peuvent facilement changer d'étiquette, enfin, on en a les exemples tout le temps, en permanence, et certainement, depuis les dernières élections, encore plus, parce que alors là, c'était des revirements, c'est parti dans tous les sens, bon. Et voilà, alors, électeurs tas d'huîtres, etc., et c'est une revue qui s'appelait « Les Hommes du jour », donc vous avez, je pense... Ouais, je vois là, ça. Oui, je pense, ça. Et en général, il y avait un personnage, il pouvait avoir un numéro sur Mirbeau, sur des écrivains, sur des hommes politiques. Alors, les libertaires vont mener des campagnes abstentionnistes importantes dans des presses d'école, et ils vont avoir aussi des dessinateurs tout à fait spécialisés dans l'anti-électoralisme. Alors, par exemple, là, il s'appelle Eugène Petit, c'est Strict... Je crois que c'est ça, son diminutif. C'est quelqu'un de talent, et c'est marrant, il y a des personnages comme ça, des dessinateurs intéressants, c'est pas le meilleur, bien entendu, mais qui ont un peu disparu de la circulation et qui ont été très importants, parce que la presse libertaire du début du XXe siècle, elle est considérable, en fait. C'est une presse tout à fait énorme, beaucoup plus riche que celle d'aujourd'hui, enfin, ça peut se discuter... Les tirages étaient plus importants. Oui, les tirages étaient beaucoup plus importants. Et il y avait quantité d'artistes, de génies comme Félix Vallotton, des gens absolument incroyables, Assiette au beurre, enfin tous les plus grands artistes de l'époque, ils sont passés. Et donc ça c'est des choses... voilà. Donc là c'est encore, vous voyez, des exemples de, d'un dessinateur typiquement libertaire, de... Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors là... C'est pas ça, je sais même plus où retrouver le. Vas-y, aide-le. Ah, ouais. Je sais pas s'il faut savoir où il est parti. Hein. Non, mais il y a été voir la. Pause de travail. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Voilà. Alors. Voilà. Donc, les élections à la fin du 19e, voilà ce qui se passe. Et bon, plus plein écran parce que. Voilà. Alors, ça c'est assez symbolique et c'est assez intéressant. Si vous voulez, à l'époque, pourquoi effectivement, peut-être beaucoup plus encore que maintenant, mais on verra pour quelles raisons d'ailleurs, les élections, les candidats qui se présentaient rebutaient, si vous voulez, des classes populaires, mais aussi des intellectuels et des gens, etc. Il y avait des raisons tout à fait claires. Là, on voit la place de la République. Et là, à Paris. Hein. Et là, il y a le lion, qui est le symbole de la défense du suffrage universel. On voit pas très bien. Mais il y a le lion, et le lion est recouvert d'affiches. Et en bas du lion, il y a une urne. Donc c'est la République triomphante, vous voyez, et le suffrage universel, enfin c'est une espèce de messe quelque part, très important. Et simplement pour dire que les élections sont sauvages à l'époque. Alors, elles sont déjà sauvages aujourd'hui, mais encore sauvages. Mais elles étaient sauvages, c'est-à-dire qu'il y avait des affiches partout, ça collait dans tous les sens, c'était une foire d'empoigne des candidats, ce qui rebutait finalement beaucoup la population. Il y a des écrits qui le prouvent, des journaux qui l'écrivent, ça j'ai un petit peu cherché là-dedans, et qui sont scandalisés par le culot des candidats, si lui qui se battent, c'est la bataille électorale. Et la guerre des électorats, elle est effectivement très sauvage. Et les gens découvrent ça. Ils découvrent finalement à travers des élections où ils vont voter, mais la sauvagerie du pouvoir, quelque part. Quelque chose, une vraie violence. Voilà. Et donc, on va retrouver ça aussi Place de la Concorde à Paris. C'est à l'époque du boulangisme. 1886, il y a eu 1889 aussi, et là pareil, tout est recouvert. Alors il y a des écrits qui racontent que par exemple tout le parvis de l'opéra est recouvert d'affiches. Alors les affiches, c'est des affiches énormes, vous voyez, et colorées, très vives, mais bien sûr sans images, vous voyez, et ils s'insultent. Machin est un salaud, un tel est un traître, vous voyez, là on voit un tout petit peu, mais pratiquement pas. Voilà, et là, c'est un exemple, mais alors là vous ne pouvez pas le voir, c'est la caserne de Soissons, et c'est ce qu'on trouvait à l'époque, vous voyez, où les élections étaient, c'est la guerre électorale. Ce qui va vraiment choquer, vous comprenez, ça va. Le pouvoir, il était caché, il se voit. Il est visible et on voit vraiment que c'est un gros problème. Mais vous ne pouvez pas le voir dans le bouquin parce que je l'ai entouré. Il se voit. Ici, il y a quelque chose, il y a une affiche complètement perdue. Vous voyez, mais vous ne pouvez pas la voir. Et je vais vous la montrer tout à l'heure. Elle est paumée complètement, vous voyez, dans la mer. C'est une affiche de Jules Grandjean. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un salopard, Jules Grandjean. Il va les emmerder jusqu'au bout. Et c'est le créateur de l'affiche politique. On dit, hein, on dit. C'est celui qui va vraiment créer... Alors, c'est un anarcho-syndicaliste, hein, Jules Grandjean, au début, pendant très longtemps, et il va animer les comités abstentionnistes révolutionnaires. Vous voulez que je vous montre l'affiche ? Oui. Ah, oui, oui, oui. Je voulais continuer sur la sauvagerie. Voilà, l'affiche de Jules Grandjean. C'est celle que vous voyez perdue dans la masse des campagnes électorales, et c'est un petit chef-d'œuvre, en fait. C'est un petit chef-d'œuvre. Ne vote plus, prépare la révolte, vous voyez. Exploiter le Parlement est une barrière dressée devant tes revendications, enfin, quel que soit ton élu. Vous voyez, il ne faisait pas la différence entre gauche-droite, pour eux, la passe, si vous voulez, des postes était dépassée tous les cas, etc. Donc, voilà les documents. Alors, c'est pour ça qu'on voit radical opportuniste, républicain opportuniste. Oui, ça existait, il y avait les républicains opportunistes. Ça s'appelait vraiment comme ça ? Oui. Oui, c'est si. Il y a eu des présidents qui étaient des républicains opportunistes, Fallière, etc. Oui. Il y a celui qui habitait dans la Drôme, justement, je ne sais plus comment il s'appelle, Loubet, non ? Je ne sais plus. Il était républicain opportuniste. Et donc, la voyez socialiste indépendant, vous voyez, il faisait pas. Il en voulait encore beaucoup plus à la gauche, hein, d'ailleurs. Parce que la droite, il savait. Mais l'opportunisme à gauche les énervait encore plus, vous voyez. Alors, à l'époque, donc, il y a un support qui est très important sur les cartes postales, où on voit le combat électoral, la course effrénée, ce qui exaspère au plus haut point, finalement, les gens simples, parce que du coup, ils voient ce spectacle terrible, en fait, des ambitions, vous voyez, dressées devant eux, etc., et de la violence du combat électoral. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans cette violence. On est dans un système médiatique où on est plongé en permanence dedans. C'est insupportable. Et on a bien vu, avec l'affaire Fillon et les affaires qui ont suivi, comment les gens n'arrivaient plus à supporter, quoi. Et on est toujours là-dedans. Voilà, alors c'est des cartes postales. Là, ça s'appelle la grande lutte poule finale. On voit des candidats qui sont sur une estrade. Vous voyez, c'est l'imagerie populaire de l'époque. Vous voyez. Alors, on peut dire populaire, populiste aussi, il ne faut pas le dénier, mais c'est celle qui circulait. Et ça s'achetait dans les librairies. C'était populaire, c'est-à-dire que les gens, pour quelques centimes, ils achetaient ça, etc. Et c'était des thèmes, ouverts. C'était des thèmes très très importants. Alors, là, vous voyez mal, là, c'est des élections à Toulouse. Ça s'appelle la rage des élections. Et en fait, les candidats sont présentés comme des chiens, tout simplement. Donc, vous voyez, la critique est très très forte. Il y a effectivement la violence. Ça, c'est qui l'a fait cette carte ? Alors, c'est un surréaliste en fait, mais un surréalisant. Enfin, j'ai le nom, je me souviens plus, j'ai plus le nom précis. Il en a fait une série comme ça. Voilà, on voit le côté. C'est un photomontage en fait. Hein. Et beaucoup, il y a eu beaucoup de photomontages. Et comment ça. En fait, on se moque aussi des élections, des candidats, de leur sauvagerie, de leur prétention. Et là, par exemple, on a des cavalcades, c'est-à-dire des chars, vous voyez, des kermesses, où on se moque de l'isoloir. Enfin, vous voyez, ça devient un sujet de dérision. Vous voyez, les candidats amusent, vous voyez, parce qu'ils se prêtent à des choses. Ils amusent, et pas que ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, vous avez les 15 000. Alors, qu'est-ce que c'est ? Les 15 000, donc c'est l'Assiette au beurre, une revue libertaire où on a les plus grands talents comme Jonceau, etc., et Valoton, voilà. Et les 15 000, je crois que c'est en 1905, c'était un scandale gigantesque que du jour au lendemain, mais tout de suite pratiquement, le président de l'Assemblée nationale a décidé d'augmenter de 100%, si vous voulez, les indemnités. Et là, effectivement, il n'y a pas eu débat ni discussion. Ils se sont retrouvés donc avec des indemnités multipliées par deux, etc. Alors là, ça fait monter ce qu'on appelle l'antiparlementarisme. Alors, faut pas se tromper, il y a deux antiparlementarismes, et on confond tout le temps d'ailleurs, et il y a des raisons pour ça. Il y a l'antiparlementarisme de gauche, qui est libertaire en général, souvent, et l'antiparlementarisme de droite. On parle que de l'antiparlementarisme de droite pour justifier le fait qu'il est impossible de s'attaquer finalement au Parlement, etc., à son système, ses palais, enfin, voilà. Et ça, donc il y a eu des campagnes parce que les gens n'ont pas supporté que du coup il s'octroie, si vous voulez, les députés, un doublement de salaire, parce que ça n'existe pas. Vous voyez. Donc, ils n'ont pas supporté. Il y a eu des campagnes importantes, des manifestations aussi importantes, avec Louise Michel, enfin, etc. Donc, c'était un scandale et incroyable. Mais ça a été surtout un moment déclencheur. Vous voyez. C'était un moment déclencheur, parce qu'à ce moment-là, l'élu, vous voyez, le candidat, c'est un mandataire du peuple. En 1848, c'était ça. On était dans une période romantique. Donc il y avait une notion républicaine très forte, même si on a vu les mêmes arriver dans les responsabilités. Et là, à ce moment-là, on est rentré dans un métier. C'est-à-dire que la fonction de mandataire, normalement pour un temps, etc., élu, disparaît au profit d'un métier, d'une profession qui s'appelle la classe politique, en fait, qu'on appelle les candidats, les élus, etc. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'il y a un détachement, en fait, avec la population, et on comprend effectivement cette fronde. Voilà. Alors, les élections, ça améliore. Tout de même petit à petit, parce que ça va si mal que finalement il faut les améliorer. Alors par exemple, il y a l'arrivée des isoloirs. Parce qu'autrefois, si vous voulez, on votait, il y avait tous les notables, vous voyez, assis à la campagne, etc. C'était un corps rural. Et le paysan venait voter, mais il y avait une telle pression, il n'y a pas d'enveloppe, rien, que forcément ça influençait le vote et beaucoup de notables étaient élus. On voit dans les noms des élus. Beaucoup d'aristocrates, on voit beaucoup de... Alors, petit à petit, les aristocrates, les notables vont être... avec l'arrivée surtout des radicaux, etc., ça va devenir plutôt des médecins, des avocats, mais on a tout de même des classes supérieures, et là, c'est clair. Et donc, ces histoires d'isoloir, ça va faire des histoires de... des scandales. Pourquoi ? Parce que la droite était totalement opposée, vous voyez, à ça. Parce qu'elle savait très bien que finalement c'était pas en sa faveur. Donc il y a des histoires qui sont racontées. Ça, c'est des exemples de journaux de droite. On voit en caricature, on ne voyait pas très bien, l'image n'est pas bonne. Mais, donc on caricature l'arrivée des isoloirs et à la Chambre des députés, il y a des élus. Qui commençait à raconter n'importe quoi en disant « Mais c'est extrêmement dangereux parce qu'il peut se passer des histoires sexuelles à l'intérieur des cabinets. » Il y en a un même qui a expliqué, enfin il y a des textes absolument marrants là-dessus, il y en a un qui expliquait « Mais comment vont faire les manchots ?» Vous voyez, ils sont dans le noir, etc. Enfin, bon, c'était hallucinant. Ils ont bloqué, dans toute l'Europe, il y avait déjà des isoloirs, notamment au Royaume-Uni, à partir de 1900, il a fallu attendre 1913, tellement que ça a été repoussé par les conservateurs. Donc c'était un combat mais permanent et presque amusant, parce qu'avec beaucoup de... alors, au fur et à mesure que les élections avancent, il faut trouver des solutions pour, entre guillemets, les encadrer, puisqu'elles sont franchement très sauvages. Et là, ça arrive les panneaux électoraux, vous voyez. Alors, ça aussi, c'est un événement, parce que je vous avais montré les affichages sauvages, où il y en avait partout, voilà. Et là, il y a des panneaux électoraux, donc ça commence à devenir civilisé, sauf qu'il y a des candidats qui se rencontrent et qui se tapent dessus, donc ça, c'est un exemple assez marrant. Et là, ces deux personnages dont j'ai relaté l'histoire, il y a Jean Prolo, il s'appelle, c'est son nom, qui était un anarchiste, à la base, mais qui est parti... Vous voyez un petit peu vers la conquête des urnes et qui est devenu un socialiste brillantiste, c'est ça, bon, brillant, vous voyez. Et l'autre, c'était aussi certainement un socialiste révolutionnaire. Il se retrouve devant les panneaux électoraux et puis ça se termine en pugilat. Ils vont se battre devant les panneaux électoraux alors que c'était tous les deux des révolutionnaires. C'est qui Prolo, là? Alors, je crois que c'est celui-là. C'est celui qui a la moustache de gauche, là, Et ça veut dire aussi qu'on a un vent d'opportunisme. Mais bon, la raison, c'est très simple. Jean Prolot, il a posé des bombes. Il pensait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et ils ont fait beaucoup de prison. Et ils étaient tout de même dans la politique. Donc ils ont essayé de continuer le combat autrement. Mais sauf qu'ils ont pris des étiquettes. Et effectivement, c'est ce qu'ont toujours dit les anarchistes, et Bakounine non plus aussi d'ailleurs, en disant que de toute façon, les élections vont dénaturer forcément, obligatoirement, les postes, dénaturent effectivement le combat des révolutionnaires. Alors, bon, forcément, si vous voulez, alors il y a un mélange un peu de tout n'est pas forcément dans l'ordre, mais les libertaires, forcément, vont agir et vont toujours rester sur une position identique et se méfier, une méfiance, etc. Donc on va retrouver, dans les campagnes abstentionnistes, si vous voulez, une critique du candidat qui oublie ses promesses, par exemple. Alors, il va montrer sa lune. Il vous promet la lune, il montre sa lune. Vous voyez, c'est ça l'idée, etc. Donc c'est un sujet, un thème qui a été souvent réemployé, etc. Et là, cette série, c'est un petit peu sur les critiques des candidats et du personnel politique qui est ressenti par la population, vous voyez. Alors là, c'est pas que les milieux libertaires, mais c'est l'image populaire, en fait, l'imagerie populaire ou les caricatures. Alors par exemple, ce candidat, c'est un clown, donc on va considérer, ou la population, les gens simples vont considérer un peu les candidats comme des clowns. Alors lui, il s'appelle le candidat Prométhou. Et lui, il est assez marrant. Donc c'est une espèce de saltimbanque. Et je crois qu'on est vers 1920 tout de même. Et c'est l'idée que les gens s'en fondent. Et la critique est beaucoup plus virulente qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on accepte, mais on ne va plus voter. C'est la question. C'est que les gens, ils ne vont pas. Vous voyez, sauf qu'on achète le jeu parce qu'il est fascinant. C'est un jeu, un combat médiatique qui est tout de même fascinant. Donc on va retrouver cette imagerie, vous voyez, en permanence. Chambre des députés, pas de polichinelle ici. Père Janvier, nous avons déjà assez comme ça. Donc vous voyez, un petit peu, c'est l'imagerie populaire, l'imagerie de rue, qui se moque d'un côté des politiciens et aussi des candidats. Donc je mélange un petit peu les choses. Voilà, des photomontages sur les reproches qu'on faisait au candidat. Donc c'est avant, après. C'est-à-dire un personnage qui est séducteur, d'un côté, et qui, une fois élu, on connaît la chanson, les postes sont intéressants, va narguer, finalement, les électeurs, et va, ça s'appelle les oublieux. Donc va oublier... Alors, lui, il est assez... C'est assez marrant. Donc, toujours l'imagerie de l'époque. Donc, c'est le... Alors, comment il s'appelle, celui-là ? Le double face. Donc, d'un côté, vous voyez, il a un verre de vin rouge. De l'autre côté, c'est un bourgeois, en fait, avec un chapeau de forme. Donc, il a double veste, double casquette, etc. Voilà. C'est... Et puis, dans le temps, donc ça continue, on va, par exemple, ici, c'est les pots de vin. Vous voyez, la tournée de mon député par Marius Bonnet, alors il distribue du vin, vous voyez. Et alors, Marius Bonnet, c'est Monnier, pardon, il s'appelle, il est extraordinaire. C'est un dessinateur qui me fascine. Mais c'est pas des dessinateurs révolutionnaires, c'est des gens... des caricaturistes qui parlent de la vie, des choses simples, vous voyez, là c'est pas pour le libertaire. Donc votez pour Caméléon, vous voyez, votez pour Caméléon, il a une machine à distribuer, des bonnes choses, voilà, plus d'impôts, il hurle, vous voyez, etc. Ça fait penser aux élections qui commencent, et moi qui suis parisien, la maire de Paris promet beaucoup, Okay. Alors ça commence à dérouler, vous voyez. Vous voyez venir, alors là ça y est, gratuité, transport, hop, et paf, et c'est parti. On est toujours dans le même... On a la même situation, vous voyez, ça change pas. Les étiquettes changent rien, du coup, là, on voit les mêmes personnes, ils sont cramponnés sur leur siège, et effectivement, c'est des sièges intéressants quand on aime le pouvoir. Hein. Voilà. Alors, est-ce que vous reconnaissez le trait de ce dessin? C'est ciné. Le grand ciné. Voilà, donc c'est toute une histoire, le dictionnaire des girouettes, parce que c'est très vieux, le dictionnaire des girouettes, vous voyez. C'est-à-dire, depuis très longtemps, depuis le milieu du 19e siècle, il y a eu des livres qui ont été écrits, il y avait déjà eu un dictionnaire des girouettes, et ça a continué dans le temps. C'est le crapouillot qui était... anarchisant, il faut dire, qui a mal tourné d'ailleurs après. Mais, voilà, c'est des gens, c'est après la libération, qui changent d'étiquette, qui tournent kazakh, etc. Alors, là, c'est sur l'arrogance, vous voyez. Un des grands reproches des gens de la rue, c'est un peu l'arrogance des candidats, c'est-à-dire la prétention. Et notamment le sentiment qu'un crétin, alors vous avez vu les oreilles qu'il a, qu'un crétin va se présenter, vous voyez, avec arrogance, et alors qu'en fait, il n'est pas mieux qu'un autre, et au contraire, il est seulement qu'ambitieux. Vous voyez. C'est Josso, ça? Alors celui-là, je ne sais pas. Ça ressemble. Ça ressemble à du Josso, ça c'est vrai. Ça ressemble à du Josso. Et donc on continue. Là, c'est nos députés. Donc, lui raconte que le parlementarisme, ça a du bon. Bah, en fait, c'est normal parce qu'il grossit. vous voyez, il gonfle petit à petit. Voilà. C'est ça. C'est tout ça. Vous voyez, c'est une critique de rue, quoi. Hein. C'est toi ne pas. On les fait peu. Hein. On s'en moque autrement. Ou voilà. Et si vous voulez, c'est tellement risible, enfin tellement grave, qu'il y a un personnage intéressant qui s'appelle, c'est un député qui s'appelle Désiré Baraudet, et qui s'est dit ça ne peut pas continuer comme ça parce que les promesses sont tellement permanentes, et ne pas respecter ses promesses aussi, si vous voulez, qu'il va falloir faire quelque chose, et donc le système essaie de s'améliorer tout de même tout le temps. Vous voyez, parce qu'il dérive en permanence, etc., vers les intérêts personnels, voilà. Et Baraudet, il va, dans un moment de spleen, peut-être, je ne sais pas, faire accepter à l'Assemblée nationale que soient publiées toutes les promesses des candidats. Vous voyez. Et que le citoyen puisse aller voir ce que promet, si vous voulez, le député. Vous voyez, tellement la confiance est grande. Hein, voilà. Et ça s'appelle le Baraudet. Il était supprimé il y a une dizaine d'années, même pas. Ouais. Alors il était à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait le consulter, il a été supprimé parce que soi-disant il coûtait trop cher. Bon, voilà. Donc plus de Baraudet, et ça montre, si vous voulez. Oh, voilà. Le prochain candidat. Voilà. Alors, voilà. Bon, donc. On va en venir un petit peu à l'évolution des campagnes électorales. Donc je vous ai dit, j'avais attaqué le sujet sur deux côtés, avec l'image abstentionniste, l'image anti-politicien, etc. D'un côté, l'image populaire, hein, bien sûr, l'image faite par les caricaturistes, l'image faite par les libraires, par les éditeurs, les petits éditeurs, etc. Et il y a le plan, bien sûr, c'est des images en elles-mêmes. Ce qu'elles disent, ce qu'elles veulent nous dire, etc. Là, ce sont des candidats, la manière dont se présentait l'évolution des élections. Alors, comment se présentaient des candidats autrefois? Vous allez voir, vous allez comprendre très vite, il y a de l'arrogance dans la façon de se présenter. Ils ne sourient jamais, ils sont très durs. Ils ont le pouvoir. Si vous voulez, le pouvoir, c'est quelque chose de sérieux, donc on ne s'amuse pas. On ne rigole pas, on regarde fixement pour montrer qu'on est franc, voyez, honnête, et on est surtout tout de même l'élite. Voyez. Ça se sent. Sauf que celui-là, c'est Paul Fort, c'est un député socialiste et quelqu'un de très important dans la hiérarchie du Parti socialiste. Sauf que lui, vous voyez, donc le personnage, c'est un, comment dire, un apparachnik, c'est ça, hein, apparachnik. Je suis croate, excusez-moi. Donc, celui-là, il avait fait les pleins pouvoirs à Pétain, vous voyez, tout simplement. Voilà. Donc, on a une présentation très dure, disons très machiste. Alors là, on a des candidats. Alors lui, il s'appelle Hippolyte, le brave Hippolyte du Causse. Donc vous avez vu la barbe, absolument. Alors lui, c'est l'élite républicaine par excellence. Donc dans le bouquin, je dresse des personnages et des parcours pour montrer les évolutions, vous voyez, un petit peu. Et lui, fils de paysan, il va tout de même, il passe l'agrégation. Et donc c'est quelqu'un qui devient important, etc. Donc il se présente, c'est normal, puisque on réussit et il faut obtenir des postes importants. Alors, il est très bien, Hippolyte, c'est un gars du Sud-Ouest, vous voyez. Il est très bien, mais il a tout de même une barbe un peu bizarre, il n'a pas été élu du premier coup. Vous voyez, il était encore trop étudiant, donc bon, voilà. Donc lui, c'est un radical socialiste, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, etc. Et voilà ce que devient Hippolyte. Il a trois poils sur le caillou, vous voyez. Et donc, il a une carrière, il n'a pas lâché la bride. Là, il a été élu. Il a été élu. Sans la barbe. Et il est devenu le doyen de l'Assemblée nationale en 68. C'est-à-dire que... Moi, j'étais jeune, mais j'étais... Bon, voilà, j'existais déjà. Hein. En 68, j'aurais pu le connaître, en fait. Hein. Et en fait, c'est un élu mitterrandiste, enfin, FGDS, ça s'appelait, à l'époque. C'est-à-dire la gauche socialiste, etc. Et vous voyez, il s'est cramponné, c'est-à-dire il a raté la première élection parce qu'il fallait couper un peu la barre, tout de même. Voilà. Et donc, il a raté la première élection, vous voyez, et Hippolyte, voilà ce qu'il est devenu, à 72 ans, il s'est cramponné, vous n'avez pas lâché l'affaire, vous voyez. Et, il a que 72 ans, là 92 ans. Voilà, 92. Voilà. Mais les lunettes sont plus manches que la barbe. Alors, ah bah oui, parce que entre-temps est arrivée la coupe de la barbe. C'est-à-dire que à partir des années 30, c'était la mode de Rudolf Valentino, donc plus de barbe. Avant tout, maintenant tout le monde a la barbe, vous voyez aussi, mais il n'y avait plus de barbe. C'était être sportif, ça faisait vieux d'avoir la barbe, etc. Donc plus de barbe. Il y a toute une génération qui n'avait plus de barbe. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelque chose qui m'a toujours amusé, c'est Marx, Lénine, Engels, Mao. Et au fur et à mesure, vous voyez, il n'y a plus de... La pilosité disparaît. Vous voyez, voilà. Et c'est assez autant. Et d'ailleurs, quand on voit tous les responsables du Parti communiste, de Paul Vaillant-Couturier, et là, je n'ai pas les deux noms, mais je crois qu'ils sont dans le bouquin, ils commencent tous hyper barbu, et avec Georges Marchais, il a des gros sourcils, vous voyez, il n'a plus rien du tout, il n'y a plus de poils, quoi. Voilà. Alors, celui-là, je l'adore, c'est Coutan d'Ivry. Alors lui, c'est un représentant prolétarien, syndicaliste. Attention, il ne faut pas rigoler, Coutan. Ivry, c'est sa ville. Syndicaliste, très à gauche, mais pas question de lui piquer son poste, hein. Parce que alors là, c'est de la châtaigne qui vole. Donc c'est un bonhomme qui est un fort en gueule, vous voyez, un petit peu, etc. Et pas rigolo. Alors vous voyez un petit peu la façon dont on se présente. C'est que type, il a deux doigts, vous en mettre une si vous n'avez pas voté pour lui, quoi. Ça, c'est clair. C'est l'arrogance des candidats et du pouvoir, etc. Et il était tête de gauche, mais enfin bon... Enfin, en tout cas, ils l'ont expulsé plusieurs fois de l'Assemblée nationale, tellement il gueulait tout le temps, il ne voulait pas lâcher l'affaire non plus. Coutan d'Ivry, très connu à Ivry, etc. Il y a des avenues, enfin, de ce personnage. Alors là, je vous assure, vous allez avoir le choc de votre vie. Le passage au marketing. Paf ! Vous l'avez dans les dents. Donc on a un Jean Le Cannet. Alors lui, qu'on appelait Kennedyon. Il se prenait pour Kennedy, vous voyez ? C'est-à-dire que lui, alors on l'appelait Alain Sourire Dents Blanches, etc., Alain Fraîche, enfin, etc. Et c'est le début du marketing en France. Et donc c'est un grand prêtre du marketing, archi connu, j'ai plus en tête d'ailleurs, qui avait proposé à De Gaulle ses services en disant on va faire un truc à l'américaine avec des sondages. Les sondages, ils ont du sens, vous savez, vraiment. Et lui, il est inconnu. C'est un petit peu le Macron de l'époque, vous voyez, c'est MRP. Vous voyez, c'est centriste, etc., gentil. Mais attention aux centristes, hein, ils ne sont pas toujours gentils. Voilà. Et vous avez vu des gens qui font la tête, le pouvoir, maintenant, faut acheter les gens. C'est-à-dire, faut les séduire. Donc on sourit. C'est le marketing et c'est fini la plaisanterie. On se vend. Vous voyez ? Donc on se vend. Et là, vous allez avoir encore un choc de votre vie. Le plus grand exemple de marketing de l'histoire, monsieur Jacques Lang. Donc alors là, vous avez affaire à un copain. Vous voyez ? C'est copain-copain. Donc là, c'est terminé. C'est terminé la plaisanterie. Là, vous avez le copain qui se fait élire au nord, au sud, je ne sais plus, à Blois, hein, c'est ça. Voilà. Là, c'est à Boulogne. En fait. Voilà, c'est ça. Alors, il est parti un peu partout. Maintenant, bon, il est à l'Institut du monde arabe. Il l'appelle la momie, vous voyez, là-bas. Et bah oui, parce qu'il s'habille avec des costumes smalto, vous voyez, à je ne sais pas combien. Enfin, bon, voilà. La République est bonne mère, et, mais il est sympa, il a sauvé le livre hein, tout de même. Enfin. Alors, attention, encore un troisième choc, je veux dire, ça c'est violent aussi, c'est vos copains. Trop fort. Soit vous avez une crise cardiaque, alors là on est en plein dans le marketing. Alors là on est, alors, oui c'est une vulgarité, alors on a deux vaquets. Vous voyez, on a tout bon qui a la tête bien ronde, vous voyez, et puis on a chichi, notre. Il y a un ventilo qui envoie du vent. Voilà. Et celle américaine, c'est-à-dire les chemises. Vous voyez les cadres américains, vous voyez les chemises blanches, vous voyez. Donc on a, là, on a le début du marketing et les images d'affiches, vous savez, qui ont disparu, mais qu'on les avait en pleine face, hein. C'est-à-dire que des trucs gigantesques. Maintenant, on a des trucs de Carrefour, mais des panneaux électoraux gigantesques avec ça. Oui. Vous imaginez, les jeunes, ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais voilà. Et je vais vous dire une chose, c'est un secret hein, entre nous. Pour faire cette photo, ils ont été obligés de dire quelque chose. Normalement, on dit quoi, chiz, c'est ça ? Non, c'est Wistiti Sex. Oui, c'est Tissex. Voilà. Des trucs du marketing, etc. Alors, voilà. Alors. Alors, c'est pas détourné, c'est vrai ça ? Non, non, ben oui. Les comptes. Voilà. Alors, vous voyez, tout radical qu'on soit. C'est pas vrai. C'est vrai qu'il est décollé, hein, je vous assure. C'est toi qui l'as fait dans ta vie. Ah non, j'ai le décollé. C'est pas toi, c'est Mars. C'est moi. Alors, bon. Alors, le drame, voyez-vous tout même. Le drame, c'est que on ne parle plus politique. Ouais. Alors que c'est soi-disant radical, c'est une insoumise, France insoumise. Mais en fait, bon, on comprend très bien le désir de gagner des postes, parce que c'est voilà, et d'ailleurs, elle est indéboulonnable, on la retrouve partout. Hein. Je veux dire, vous ne pouvez pas, elle ne perdra jamais, parce qu'elle est partout. Quoi. Non, alors, attends, les discours, entre les discours, ouais, on connaît nous, bien sûr, parce qu'on est là pour ça, d'ailleurs, mais on connaît, on est méfiant, etc. Et c'est la disparition du discours politique. On ne parle plus politique, mais là, on est dans le monde des bobos, en fait, en réalité. Donc, ça fait du bien, vous voyez. Il faut faire du bien, on est dans le marketing, vous voyez, publicitaire. C'est tout ce qu'on est. Et on n'est pas, on n'est plus dans le politique, etc. Quoique, bon, Chirac, il était bien. Mais, là, voilà. Et ça continue. Alors, je vais vous montrer une copine à vous. Ah, bah, vous la voyez. Une copine à vous. Alors, là, vous avez vu. Il n'y a plus rien de politique. Il y a que, c'est une carte postale pour faire du bien. C'est ça le marketing, c'est de la pub. Vous voyez ? Il n'y a qu'un mot qui peut rappeler le programme politique, c'est le mot France. On est d'accord. Vous voyez ? Mais le reste, on a un beau sourire, elle est belle, c'est vrai. Un beau vieux, enfin bon. On a un beau visage de starlet, c'est un style, voilà. Mais on a tout un champ de l'avant et on est dans l'image. Dans l'image. On est dans l'imagerie politique et donc on est arrivé au maximum du marketing. Je vais vous montrer aussi quelque chose qui montre aussi voter à gauche toute. Alors c'est assez dramatique parce qu'il y a des gens qui veulent absolument d'une manière ou d'une autre se présenter. Mais ça manque un peu tellement la désacralisation du pouvoir qu'on fait n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Voyez. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire réellement d'un point de vue politique. Et on se présente, on s'amuse, et on se présente pour s'amuser soi-même. Et donc en fait, il y a quelque chose d'un peu dramatique. Alors autant pas le faire et lutter contre le système. Enfin, voilà. Bon, je vais vous présenter un peu aussi des trucs du début du marketing. Ça, c'est les goodies, vous connaissez. Les goodies, c'est tous les objets publicitaires qu'on distribue lors des élections. Alors les porte-clés, les préservatifs, c'était un grand truc toute une époque, etc. Et donc ça, c'est d'époque boulangiste, enfin de boulanger. C'est carrément lui, le général Boulanger, qui a introduit le marketing, parce que derrière lui, il y avait des publicistes, c'est-à-dire des journalistes, enfin bien costauds, etc., et ils imitaient les campagnes américaines. Vous voyez, ils imitaient les campagnes à l'américaine. D'ailleurs, on voit, c'est les Américains qui ont inventé le marketing. Vous voyez, ça, c'est les premiers badges. Vous voyez. Et nous, on a, bon, voilà, on a attendu 10 ans pour faire des premiers badges. Voilà. Ça, c'est Ike Eisenhower, vous voyez, et Nixon. Donc, les Américains sont l'inventeur du marketing. Là, on voit un copain à nous, Sarko, vous voyez. Donc, c'est encore le marketing, ça on connaît le t-shirt, c'est encore américain, c'est le marketing américain. Ça, c'est un préservatif distribué sur les plages de Marseille. Hein. Vous voyez, merci pour ce moment. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Ça, c'est les républicains, jeunes républicains. C'est-à-dire qu'ils veulent gêner les gens. Qui étaient allongés sur leur couverture de plage, vous voyez, et pour leur donner ça. Vous voyez, c'est un peu incroyable. Hein. Voilà, on est dans le marketing. Et puis alors là, encore un copain à nous, c'est François Hollande qui dédicace, ou ça, dans les hypermarchés, son bouquin. Voilà. On est dans le marketing, voilà. Et, on est arrivé à un stade, allez hop. Voilà. Il y avait des tongs. Oui. Il y avait des tongs UMP. Voilà, avec une empreinte sous la semelle. C'est ça. UMP, et quand les gens marchaient dans le sable. C'est ça. C'est ça, exactement. Oui, c'est vrai. C'est tellement ridicule. Ils ont balancé le stock, ils ont dit on arrête, on a peut-être été trop loin. Alors. Dans les campagnes électorales, très rapidement, au 19e siècle, on est... Oh non, oh, c'est pas vrai, je vais mourir, là. Non, pas celle-là. Voilà. Il y a toujours eu des candidats dits farfelus, ça c'est connu. Mais, bon, il y a eu un livre déjà écrit par quelqu'un d'intéressant, d'ailleurs, mais sur les candidats farfelus, moi je voulais pas vraiment que des candidats farfelus, je voulais m'intéresser aux candidats utopistes. C'est-à-dire soit des gens qui sabotent le système parce qu'ils le miment en même temps, vous voyez, ils miment les candidats, les politiciens, soit qu'ils proposaient des choses qui existent maintenant, si vous voulez, mais qui à l'époque semblaient complètement délirantes. Vous voyez. Et lui, il s'appelle Louis Polingagne. Alors il s'est tout le temps présenté, c'est le candidat dit perpétuel. Il n'arrêtait pas de se présenter. Il a été élu, d'ailleurs, en 1848. Mais il était très fantasque, et très fantaisiste. Et il proposait des choses qui semblaient hallucinantes à l'époque. Par exemple, l'autoride. L'autoride, c'est il avait imaginé qu'on crée des routes uniques, en fait qui sont des autoroutes maintenant. Donc ça semblait dément, quoi. Il proposait bien sûr le vote des femmes, Louis Paulingat. Il avait inventé le drapeau arc-en-ciel. Il disait, mais tout le monde, finalement, on doit, comment dire, c'était toutes les tendances, etc. Donc il a créé un drapeau qui est le drapeau gay, en fait. Voilà. Et donc il disait, la démocratie, c'est ça, c'est d'accepter les bonapartistes, les machins, les ci, les ça, les anards, machin, etc. Donc il avait inventé déjà ce drapeau. Et quantité de choses complètement ubuesques, etc. Et c'est un personnage qui représente, si vous voulez, l'époque de Napoléon III, c'est-à-dire un mélange d'utopie, vous voyez, et d'utopie des socialistes français, de saint-simonisme, vous voyez, de fourriérisme, etc., et d'époque impériale de Napoléon III. Parce qu'il ne faut pas oublier que Napoléon III, il a gagné les élections, et ça faisait penser à un certain Chirac, d'ailleurs, en écrivant un livre qui s'appelait « La fin du paupérisme ». Vous voyez, comme quoi on peut tromper son monde, et là, c'est l'exemple parfait. Donc, Louis Paulingat, c'est un personnage qui a fait l'objet d'études vraiment passionnantes sur toutes ses démarches. Alors, il écrivait, ses affiches électorales, c'était des poèmes, vous voyez, des poèmes très très longs, etc. Alors, lui est assez intéressant, c'est Bertrand, et c'est Adolphe Bertrand, et Adolphe Bertrand est très influencé par le socialisme français, c'est-à-dire les saint-simoniens, etc., avec le côté paternalisme, le fourriérisme, voilà, et il était philanthrope, c'est-à-dire il aimait le genre humain. Il s'est toujours aussi, il s'est souvent représenté, il n'a jamais obtenu plus de 6 voix d'ailleurs en général, vous voyez. Et lui encore, il avait. Alors il était par exemple pour une chambre bicamérélisme, c'est-à-dire deux chambres. Pour les femmes, une pour les hommes. Il voulait remplacer le Sénat par une chambre de sénatrice de deux femmes, vous voyez. Donc il proposait des choses comme ça. Il était même carrément pour le pouvoir des femmes, vous voyez, en expliquant qu'il ne reconnaissait qu'un seul dieu, c'était la femme, parce qu'elle créait des êtres humains. Voilà. Donc, voilà, c'était son truc. Donc c'est un personnage assez étonnant, et en fait extrêmement riche. On ne sait pas comment... Alors, peut-être qu'il était de la mafia marseillaise, je ne sais pas, mais on ne sait pas du tout comment il a fait fortune, mais il était très riche. Et en fait, il a réalisé son rêve parce qu'il est devenu, il a été élu à Sceaux, c'est une ville de la région parisienne. Et à ce moment-là, il a construit l'idéal fourriériste, c'est-à-dire un pavillon ouvert à tout le monde, enfin une espèce de château, où les gens venaient chercher des fruits, des légumes, etc. Vous voyez. Et c'était l'utopie des socialistes français du 19e siècle, que moi j'aime beaucoup, parce que je trouve ça assez intéressant. Et je pense qu'il faut des fois relire un peu certaines choses qui peuvent nous apporter, quoi, par rapport même au marxisme. Mais bon, c'est mon opinion. Mais voilà, donc... Et par contre, une chose assez étonnante, c'est que c'est un obsédé des élections. Donc c'est une obsession, vous voyez, de se présenter. Et on voit qu'il y a des gens, ils ne cessent pas. C'est leur problème, numéro un. Vous voyez, ils adorent ça. Et alors, il avait... construit des vergers ouverts à tout le monde, mais pour gagner les élections, tout de même, il en profitait pour distribuer des fruits, vous voyez, lors de ses campagnes. Alors, il allait dans les faubourgs de Paris, distribuait, enfin bon, voilà. C'est un personnage très intéressant. Et lui, alors, je l'aime beaucoup, c'est Fénelon Ego, premier roi honoraire, il appelle Ego, roi honoraire du Congo, candidat inamovible. Et en fait, c'est un personnage considéré comme un dingue, un petit peu. Le père du roi en a beaucoup parlé, en disant que c'était la crème des philosophes. Vous voyez, et il était très connu. Et il se présentait à la Goutte d'Or. En réalité, c'était toute une bande de libertaires qui était derrière. Il était aussi, d'ailleurs. Et les rencontres électorales avec lui, c'était le rire, l'amusement, la fête, il picolait, il chantait, boire un petit coup, c'était agréable, c'était une fiesta. Et en même temps que il se présentait en même temps pour se moquer des candidats. Donc comme à l'époque, il fallait montrer ses attributs de toutes sortes, donc il avait sorti une quantité de médailles, vous voyez, pour... Donc il y en avait partout, parce qu'à l'époque, dans les professions de foi, on affichait, si vous voulez, des listes incroyables, invraisemblables de... Voilà, c'est ça. Et donc il n'a jamais fait plus de 20 voix, mais c'était une vedette. Non, mais le gros, le truc, c'est qu'il a proposé des choses exceptionnelles. Exceptionnelles. Par exemple, des choses qui existent aujourd'hui, mais des choses qui n'existent toujours pas. Par exemple, taxer les produits de luxe pour abaisser la TVA, quoi, en fait, pour abaisser la TVA de produits, c'est quelque chose de tout à fait pas stupide. Il proposait la gratuité des transports pour les familles pauvres, pour aller au Bois de Boulogne ou à Paris. C'est un quartier populaire, la Goutte d'Or à Paris. Hein. Voilà, donc il proposait un certain nombre de mesures et le droit de vote des femmes. Et le droit de vote des femmes, etc. Il était considéré donc comme un débile mental. Voilà. Mais en lisant bien, on se rend compte que beaucoup de choses n'étaient pas si absurdes que ça et que c'était un personnage beaucoup plus intéressant qu'on peut le penser aujourd'hui. Et en même temps, il avait. Il avait derrière lui toute une bande de gens très politisés malgré tout et qui, alors vous voyez, c'est une autre voie finalement des libertaires, mais là c'était à la fois de parodier les politiques et de l'autre côté on avait aussi ceux qui prenaient l'abstention, donc on avait de mince, oh, je sens que ça recommence. Ah non, c'est bon. Alors ça c'est important parce que c'est Hubertine Auclert, donc une féministe extrêmement importante, qui a milité de façon acharnée pour le droit de vote des femmes, une suffragette, vous voyez, mais qui n'hésitait pas, avec sa bande de copines, à dévaster les bureaux de vote. Et donc ça faisait vraiment grand bruit, quoi, etc. Elle n'a jamais été en prison, mais parce qu'elle n'était elle pas de conditions modestes. Donc du coup, moi, je pense que ça la protégeait. Ça c'est clair, ça c'est sûr, mais ceci dit, c'est une militante formidable, et par contre à l'époque, dans la presse on la considérait que... Alors, le système est assez étonnant, parce que autant Fénelon Ego était déclaré comme dingue, vous voyez, autant elle était méprisée, mais on la prenait, c'est une femme, donc à l'époque on avait, il fallait un peu, vous voyez... avoir de l'élégance, vous voyez, une espèce de respect, mais voilà, c'est ça. Donc en fait, on se moquait d'elle, point final. C'est comme ça. Là, encore un personnage tout à fait intéressant, un véritable anard d'ailleurs, Jules Despaquis. Il était illustrateur et au Canard Enchaîné, il s'est présenté à Montmartre comme maire de Montmartre, mais de la commune libre de Montmartre. Et il y a quelques exemples en France, il y en a en Belgique aussi, à Liège, je crois, de communes libres. Voilà. Sauf que c'est pas légal, vraiment. Et... Sauf que c'est pas légal. C'est pas légal du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, je le trouve passionnant et un personnage très intéressant. Donc, c'est l'époque d'Alphonse Allais. C'est donc un auteur... très, très humoristique, très drôle, très amusant, très provocateur. Et Alphonse Allais l'a soutenu, etc. Et Montmartre, c'était un village d'artistes, Picasso, enfin, tous les grands qu'on connaît, mais un village libre, et avec une très forte solidarité entre les gens. Et ça commençait la destruction. Alors il y avait le maquis, une espèce de bidonville, avec un mélange d'artistes... bon, il y avait peut-être aussi des malfrats, mais il y avait aussi des retraités qui faisaient leur jardin. Vous voyez, une forme de liberté absolument extraordinaire. Et puis, il y a le monde des cabarets de Montmartre, avec une liberté totalement importante, et tous les libertaires très connus, qui tenaient, enfin, des gens anarchisants, en fait, hein, comme le chat noir, hein, c'est ça, etc. Donc, tout ça, c'était un milieu tout à fait particulier. Et les promoteurs commençaient à loucher là-dessus et à vouloir détruire Montmartre. Hein. C'était un village très solidaire. Voilà. Et donc, ils montent une liste anti-gratte-ciéliste, anti-gratte-ciel, voilà. Et sur cette liste, à côté de cette liste, il va y avoir la liste de Picasso, la liste d'Ada, de Tristan Tzara, et donc des listes d'artistes, etc., qui vont s'opposer dans une espèce de joute comme ça, électorale, assez amusante, et disons, une façon de se moquer des véritables élections, voilà. Alors, il a été élu tout de même avec 15 000 voix, maire et dictateur de Montmartre. Mais parce que, il y a toujours de la plaisanterie. Et dans ses propositions, il n'y avait que des choses farfelues. Par exemple, il préconisait, si vous voulez, d'installer des trottoirs roulants pour aller d'un bistrot à l'autre. Vous voyez il préconisait de rééquilibrer Montmartre au profit de Paris en essayant de remonter Montmartre au niveau de Paris. Enfin bon, des trucs absurdes. Et ce qui est incroyable, c'est toute une bande de libertaires, parce que derrière, il y avait le dessinateur Poulbeau, vous savez, spécialisé dans les dessins des enfants, des pauvres, des petits miséreux, etc. Et c'est toute une équipe. J'essaie de me rappeler... Carandache Alors Carandache, bien sûr, faisait passer... Carandache, il était devenu à droite un peu, je crois. Oui. C'est ça. Et il était dans le coin. Il était dans le coin. C'est ça, c'était tous des gens qui se connaissaient. C'est ça, c'est dessinateur. Alors, vous voyez l'esprit de ce bonhomme, mais je ne sais pas si vous voyez, voilà ce qu'il dessinait, le genre d'esprit. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Il y a quelqu'un qui doit se faire décapiter, un pauvre. Personnage, etc. Et en fait, il décapite le roi. Jules Despaquis, il y a une rue à Montmartre, Jules Despaquis d'ailleurs, ce qu'il a fait, c'est absolument incroyable. Enfin, en ne passant pas, vous voyez, par les élections, en étant illégal quasiment, maire de la commune libre de Montmartre, il a réalisé des choses hallucinantes, mais des trucs complètement incroyables. Qui a aidé grandement la population. Alors, par exemple, il a rétabli la vache à quatre, ces espèces de carnaval, vous voyez, qui rapportait des sous, une grande fête libérée qui avait lieu à Montmartre à l'époque, avec beaucoup d'artistes. Et avec l'argent récolté, ils entretenaient des dispensaires, vous voyez. Il avait organisé la foire des vieux croutons, c'est une foire de peinture. Vous voyez, avec toujours une espèce d'humour décalé, Montmartre 3, etc., pour subvenir aux besoins des artistes pauvres, vous voyez, etc. Il avait réalisé un critérium, monté un critérium, vous voyez, tout ça en 5 ans à peu près, hein, un critérium de vélo, ça c'est dans les années 20, hein, pour aider des démunis, etc. Donc il a fait un travail, mais colossal, alors que c'est enfin... un personnage considéré comme un fanfaron, considéré comme un personnage stupide, enfin, etc., et qui, en fait, a réalisé des choses tout à fait considérables. Et c'est pour ça que j'ai mis dans les candidats utopistes, voyez, et farfelus en même temps, mais qui ne sont pas vraiment. Voilà. Alors ça, donc, c'est Coluche. Donc, j'ai une théorie particulière, mais bon, c'est un candidat qui a beaucoup fait rire, la France, mais mon idée par rapport à ceux que j'ai vus précédemment, c'est que je pense personnellement qu'il y a eu beaucoup de narcissisme dans sa façon d'être, même si effectivement il s'attaquait aux politiques, mais il n'y a jamais eu de programme. Et moi je crois, d'après ce qu'a dit Jacques Attali et certains membres du Parti Socialiste, ils disent qu'il a été commandité, c'est à discuter, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Moi, je n'en sais rien. Je répète ce qu'on m'a dit ou ce que j'ai lu. Je sais qu'il n'a pas fait de mal. Je sais qu'il était au siège du Parti Socialiste aux élections de 1981, c'est ça. Après, je n'ai pas d'autre idée de ça, vous voyez. Mais par rapport aux personnages que j'ai présentés, il y en a plein d'autres, hein, d'ailleurs, auparavant, eux, ils avaient des programmes qui étaient, disons, tellement en avance, vous voyez. Là, il n'y avait rien. C'est vrai, il y a eu une espèce de grand bazar, si vous voulez, mais de grand dégoût des politiques, si vous voulez, mais qui a pas, on ne peut pas dire que ça a amené quelque chose de précis. Vous voyez, c'est ça. Par rapport à ce qu'on avait vu précédemment. Alors, ça, c'est les candidats d'aujourd'hui. Bon, vous savez, chaque année, il y en a, etc. Et lui, à Paris, rue de Rivoli, il y a un immeuble entier occupé par des artistes. C'est un des responsables de cet endroit. C'est un immeuble entier, un haussmannien absolument impressionnant. Et donc, il s'est présenté à plusieurs reprises. Et en fait, il a fait ça un peu pour emmerder le maire de Paris, en disant « le vrai Delanoë, votez pour moi parce que je suis le vrai Delanoë ». Il s'appelle Gaspard Delanoë, vous voyez. Et l'autre, c'est le faux, donc votez pour moi. Sauf qu'il a fait capoter des élections. Quoi. Il y a notamment le maire du... Il y a un candidat qui était, je ne sais plus, c'est le dixième, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, il a fait capoter. Il a récupéré 4 à 5 % à chaque fois. Hein. Voilà. Donc avec des programmes un peu exubérants, mais là, on a une façon de casser le système un petit peu, avec des candidats qui cherchent vraiment à détruire le système, à grignoter de l'intérieur. Donc ils en prennent l'allure, vous voyez, la suffisance, donc on voit, etc. Ils prennent les postures, et en même temps, si vous voulez, ils l'attaquent, ils le grignotent, ils grignotent le côté cirque électoral, en fait. Voilà. Alors... Il y en a d'autres, il y a pareil, mais là, je crois que je n'ai pas pris de documents, c'est dommage. Il est très connu, mais c'est un vrai candidat farfelu, mais il n'est pas un utopiste dans le sens que ce n'est pas quelqu'un qui va proposer ou qui est éclairé par des utopies du socialisme, enfin, etc. C'est Ferdinand Lope. Alors, Ferdinand Lope, il était très connu sous la 4e République, et il avait travaillé à l'Assemblée nationale, vous voyez, et donc il prenait des postures, mais très impressionnantes, d'hommes politiques. Il avait l'éloquence et la façon de parler des hommes politiques, vous voyez. Et donc, il se prenait très au sérieux. Et alors, il avait... Les étudiants l'adoraient au Quartier Latin. Et donc, d'un côté, il y avait les anti-Lope, vous voyez. voilà. Et il a été beaucoup utilisé par l'UNEF, par l'Union des Nationales des Étudiants de France, souvent pour animer des galas, etc. Et François Mitterrand le connaissait très bien, parce qu'il se retrouvait souvent dans le quartier, enfin, son fief, c'était le Quartier Latin, et il expliquait que si je suis élu, ce serait mon premier ministre, vous voyez, à l'époque, mais il n'avait pas de programme. Donc on est dans un candidat farfelu, mais qui détruit le système de l'intérieur parce qu'il le mime, vous voyez, il prend des postures, etc. Il y en a d'autres encore, il y a Mouna, donc c'est dommage, j'aurais dû amener l'image. Mouna, c'est un personnage écolo avant l'heure, en fait, qui se retrouvait au Quartier d'État, beaucoup connaissent, qui prenait la vélo-révolution, et qui est certainement un des premiers à voir, alors faire figure, entre guillemets, plein de badges et tout, mais qui était anti-nucléaire. Hein, donc, certainement un des premiers. Voilà, je vais faire une connerie, c'est pas grave, vous me pardonnez ? Ah oui, ça va, j'ai compris. Enfin, j'ai compris. Alors, donc, on a de l'imagerie ici, typiquement libertaire, vous voyez, alors toujours Eugène Petit, qui est un dessinateur très important des temps nouveaux, du libertaire, enfin, de l'anarchie, enfin, voilà. Donc, les oies qui vont aux urnes, alors c'est l'imagerie typique, vous voyez, etc. Les moutons, les oies, enfin, etc. Voilà. Alors, ça c'est surréaliste. Et les surréalistes, c'est Paul Éluard. Et donc, ils ont mené des campagnes abstentionnistes, anti-électoralistes, en créant des bulletins noirs. Ça, c'est intéressant. Donc il y a d'ailleurs un exemple sur les panneaux. Vous voyez, il y a l'exemple du bulletin noir créé par les surréalistes. Ils étaient anti-parlementaristes de gauche. Vous voyez, mais fortement, ils étaient dessus. Donc, en fait, l'Assemblée nationale était composée de croutons, etc. Et ça, c'est un oiseau d'Égypte, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-ci. Et donc, s'en moquait, cette Assemblée nationale, complètement déconnectée, la classe politique déconnectée, si vous voulez, totalement. Donc c'est une révolte très forte, vous voyez, des surréalistes. André Breton il commençait très libertaire, est devenu très communiste, pour redevenir très libertaire. Enfin, voilà, il a suivi un parcours. Alors ça, c'est... Donc j'essaie de présenter des quelques affiches de 68, mais pas connues, vous voyez. Celles qu'on ne voit pas, et qu'il y en a pas mal qui sont ressorties, qu'on a redécouvertes, il y a il y a deux ans, là, etc. Donc, c'est des moins connus. Et on dit, par exemple, alors donc l'élection Piège-Acon, il y a toujours on dit c'est Sartre qui a inventé les... C'est pas vrai, c'est pas Sartre. On lui a donné... C'est ses partisans qu'on dit, voilà, c'est Sartre qui... a mis ça dans un article, l'élection de Piège-Acon, mais c'est des affiches qui ont été faites bien avant qu'ils le disent, etc. Donc ça, c'est un des exemples, un des nombreux exemples sur les campagnes de mai 68 anti-électoralistes, anti... alors, il y a une raison pour ça, c'est que ils avaient très bien compris, les étudiants et les grévistes, que les élections prévues en juin 68 allaient enterrer la révolte de mai 68, et ils ont eu raison, parce que c'est ce qui s'est passé. C'est tout à fait. Alors, c'est tout ce qui s'est fait en 68, on vit dessus. C'est tout à fait notre malheur, pas tout à fait, mais on vit. Notre malheur, c'est de vivre encore dans cette imagerie, et ça, je trouve que c'est un appel à essayer de faire peut-être d'autres choses, d'essayer de se renouveler, surtout pour les graphistes, parce qu'on reste un peu sur cette culture tellement forte qu'on reste avec tous les schémas, vous voyez, etc. Et après, bon, l'élection Piège-Acon, donc on voit Charlie qui est de... Voilà, le journal anti-électionniste par excellence, qui est réutilisé mille fois, voyez, le sujet, mais de façon tout de même, toujours, c'est génial, quoi. Donc c'est Rézer, certainement avec Cabu, Rézer, qui d'autre, j'oublie l'autre, Volinsky, mais Volinsky, appelé à voter à gauche, hein, enfin, parti communiste. Willem. Willem, bien sûr. Voilà, il y en a eu 4-5, comme des gens de, un peu géniaux, quoi, tout de même, on peut dire, qui représentent, si vous voulez, le graphisme, la suite du graphisme satirique de la fin du 19e, du début du 20e, avec tous les grands noms qu'on connaît, donc les Josseau, etc., et les Jules Grandjean, vous voyez. Et c'est la continuité, voilà, la continuité de ça. Donc, il y a un exemple là-bas, ça, c'est une affiche de mai 68 qui n'est pas connue, mais il y en a eu des tas peu connus, vous voyez. Voilà. Donc celle-ci, elle est intéressante. Voilà. Alors, on connaît tous, vous voyez. Voilà. Donc, ça vient de 68, l'expression « voter comme ça », on vit dessus, on vit sur cette espèce de profusion qu'a créé mai 68, cette espèce d'ébullition, mais en quelques semaines, en fait, hein, absolument incroyable. Et il faut dire que dans les ateliers populaires, que ce soit des beaux-arts, des arts décoratifs ou de l'école de médecine, c'est tout de même des artistes. C'est pas forcément des étudiants qui se sont mis, c'est déjà des artistes qui étaient dedans, et déjà, pas des grands noms, mais de jeunes artistes de talent. Et ça a explosé, ils ont été extraordinaires, parce qu'ils ont créé, là on peut dire, toute une imagerie, ils ont renouvelé complètement tout, donc c'est un moment important. Après, il y a des campagnes abstentionnistes, voilà, c'est très bien fait, il faut dire les choses, c'est la fédération anarchiste, donc voilà, Elle est tout à fait parlante, c'est formidable. Il y a bien sûr la participation de Rézer, vous voyez, et l'investissement de gens comme Cabu, comme Rézer, toujours dans le côté libertaire, et ça nous manque, je pense, fortement. Enfin, on en a des bons encore. Heureusement, ça revient tout le temps. Donc, c'est des gens qui ont participé souvent à des campagnes abstentionnistes dans les années 80, 90, vous voyez, qui nous ont marqués, parce que c'est des gens très doués, quoi. Hein. Voilà. Donc, c'est toujours campagne ascensionniste d'aujourd'hui. Voyez. Donc, on a la célèbre une parodie de Magritte. Ouais. Voyez. Je la trouve très bien, hein, personnellement. Je trouve qu'elle est parlante, elle est intéressante. Voilà. C'est moins drôle, bien sûr, mais je trouve que c'est passionnant. On a aussi l'iconographie un peu situationniste, anti-électorale. Donc il y a eu quelques petites choses aussi avec les détournements d'affiches. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc on en retrouve quelques-unes comme ça. Et puis des initiatives, voilà, un peu sympa. Voilà. Ça, c'est l'insomniac. Hein. Donc, ça vient du CIRA. Bon, c'est Philippe. C'est une collection de. C'est un tout petit bouquin, puis il y a plein d'autocollants dedans. C'est ça. Des autocollants, d'ailleurs, voilà, un autre autocollant de l'insomniac. Voté. Donc c'est le dressage, enfin on est dans cette vision. Et puis on a une autre forme d'abstentionnisme, c'est l'abstentionnisme d'ultra-gauche, quoi, disons. Je pense pas. Moi je mets pas trop libertaire ultra-gauche, pour moi c'est pas tout à fait pareil, mais là c'est les ingouvernables, donc on a dans une quelque chose d'un peu dur, dans une espèce de radicalisation, hein, peut-être moins souriante, moins drôle que du côté libertaire. Beaucoup plus difficile, vous voyez, etc. Et d'ailleurs, il y a eu, en 2017, donc, le banquet carnavalesque à Paris, où ils ont guillotiné les candidats. Vous voyez. Donc, c'était voilà, une espèce de parade. Il y avait tout de même au moins 400 personnes. Hein. C'était pas... Donc, il y avait de la confiture de groseille, vous voyez, un truc comme ça. Et ils ont mené toute une campagne. Contre la mascarade présidentielle. Voilà. Donc ça, c'est des campagnes qui existent aujourd'hui. Et donc elles existent encore. Et je pense que ceux qui ont voulu faire ça s'inspirent beaucoup aussi de Zodaxa et des campagnes anarchistes de la belle époque. Je crois qu'il y a comme un renouvellement. Et puis, l'attaque anti-électoraliste, elle ne vient pas forcément, si vous voulez, que de secteurs... Elle vient aussi de secteurs où, à mon avis, beaucoup plus dangereux encore par le secteur des street art, des jeunes street artistes. Et donc, c'est les stickers que vous trouvez dans les rues. On a des campagnes de détournement sur les panneaux, absolument. Alors voilà, là c'est pour les élections de 2017. Il s'appelle Combo, c'est un street artiste. Et c'est des jeunes qui sont extrêmement virulents contre la classe politique, sinon d'écœurés. Ils étaient d'ailleurs tout à fait écœurés sur la campagne électorale. Et donc, ils présentaient des personnages de Walt Disney pour se moquer. Il l'avait fait en 2012, Combo. Il est connu, hein, c'est connu. Il l'avait fait en 2012, il l'avait fait en 2017. Et ils le mettent sur les panneaux électoraux. Ça vous casse une élection. Et pire que tout, quoi. Parce que l'humour, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Quoi. Voilà. Donc, ils cassent. Vraiment, on peut dire que c'est des actions. Ça devient très compliqué dans certains arrondissements. Enfin, je pense à Paris, parce que ou en banlieue, pour mener une campagne électorale avec les panneaux, parce qu'ils sont tellement détournés que ça se retourne, vous voyez, contre les candidats. Et c'est difficile. Et il y a beaucoup d'artistes qui font ça. Donc, on a. Ça, c'est des Lyonnais, des étudiants des Beaux-Arts. Qui font des détournements directement, vous voyez, directement sur le. Voilà, il y a beaucoup d'exemples, j'ai pas fini. Et dans tout le monde y est passé. Hein, là, on a donc une pieuvre, c'est un truc d'origine américaine en réalité, mais il y a eu le candidat, alors, un nom imprononçable. C'est Lovecraft. C'est l'auteur c'est le fantastique. C'est ça, c'est Lovecraft. Et donc, il y a une espèce Cthulhu. De... C'est ça. Cthulhu, quoi. Voilà. Ah oui, Cthulhu. Voilà. Donc ça, c'est des, vous voyez, des candidatures aussi un peu subversives. Voilà, celle-ci, elle est subversive. Mais aux États-Unis, c'est très subversif. Et en France, ça n'a pas pris. mais aux États-Unis c'est très subversif, donc c'est une façon de s'attaquer, vous voyez, à l'intérieur, de se moquer, si vous voulez, des candidats. Je m'excuse parce que il y a des choses que j'ai pas mis dans l'ordre, et bon bah tant pis, c'était dans le sens contraire, c'est pas grave, j'ai présenté quelques-unes. Donc ça c'est de l'imagerie typique d'une certaine époque qu'on retrouvait, et voilà. Alors simplement, non c'est dans l'ordre, simplement pour dire que l'urne est un symbole qui a été détourné 100 fois, 100 000 fois, de façon très amusante souvent, c'est un symbole important, voilà. Donc on l'a toujours détourné, on en a fait des choses, alors il y a une raison d'ailleurs pour ça. Là, vous voyez, c'est Adorémus, c'est Daumier. Je ne sais pas si vous voyez la force, enfin, c'est du 19e siècle, hein, tout de même. Derrière, il y a tout de même quelque chose de... C'est très fort, quoi. Il y a une critique très forte, enfin, à mon sens, bien sûr pas moderne, mais c'est l'idolâtrie du suffrage universel, c'est des prêtres laïcs, c'est Josseau, c'est cette espèce de... Pendant très longtemps, de dire... C'est impossible de ne pas les voter. Enfin, c'est vraiment scandaleux. Voilà. Sauf que maintenant, l'abstentionniste, si vous voulez, maintenant, l'abstentionniste, on va moins le décrier aujourd'hui parce que il n'y a pas des partis politiques qui ont très bien compris qu'il faut essayer de ramener justement des populations dites abstentionnistes parce qu'il y a des recherches savantes, souvent. Qui vont être utilisés par des partis politiques pour savoir où taper, vous voyez, etc. Quelle catégorie, vous voyez, les femmes seules, par exemple, vous voyez, des choses comme ça, là où il faut taper pour attraper. Donc il y a des. En sociologie, la sociologie n'est pas toujours neutre, enfin, à mon sens, et elle est souvent utilisée pour attraper les gens. Voilà. Donc ça, c'est une. On part de Daumier. Et là, encore de l'imagerie libertaire des journaux, vous voyez, ça c'est de l'anarchie, voyez, donc l'urne, c'est traditionnel, c'est le symbole traditionnel. Et je voulais finir sur, je ne sais pas si c'est petit, mais c'est un document qui fait, alors je ne sais plus le nom de la revue, je crois que c'est le Pélan, mais je ne suis pas sûr, et c'est assez intéressant parce que... le mouvement des Gilets jaunes a remis en question, si vous voulez, le problème du suffrage universel et a reposé tout de même des questions sur la démocratie. De façon intéressante. On ne l'a pas vu venir. Vous voyez, BFM n'a pas vu venir nous montrer des images des Gilets jaunes tous les samedis où les gens flippaient devant leur télévision. Et au bout d'un moment, ils ont compris tout de même qu'il pouvait y avoir quelque chose d'assez subversif dans l'histoire. C'était pas si, vous voyez, c'était pas des tarés qui occupaient ou des gens malheureux forcément qui occupaient les ronds-points, mais que derrière il pouvait y avoir et il y a eu effectivement une critique réelle pour la première fois aussi forte, à mon sens, hein, pour la première fois aussi forte, ça se discute hein, bien entendu, et du système et de la démocratie vraiment, parce que la question elle est est-ce qu'on est en démocratie ou pas, vous voyez, la question elle est là. En réalité, est-ce que s'agit-il de vraiment d'une démocratie ou, comme le préconisait d'ailleurs Robespierre, en disant le suffrage universel va permettre de créer une aristocratie élective. C'est-à-dire, on va créer une aristocratie, voilà. Et ce n'est pas la démocratie. Voilà. Et ça, on voit effectivement le peuple souverain, donc on voit en bas de l'échelle le peuple souverain et au-dessus l'élite, la classe politique. Vous voyez, c'est bon, l'imagerie est peut-être un peu simple, mais elle pourrait être tout à fait dans l'esprit des gilets jaunes. Et c'est assez curieux parce que d'ailleurs, c'est en jaune, ils sont dans la lumière, vous voyez, ils sont à la lumière, et tu as les gens en bas qui essaient de grimper, si vous voulez, qui sont, voilà. Et il y a la même idée avec Jules Grandjean, qui a exactement fait la même chose, où, je ne l'ai pas, c'est dommage, parce qu'elle est magnifique, où les élites sont en haut dans un ballon, une stratosphère, et le peuple essaie de grimper, enfin bon, et il est repoussé, c'est la même chose, c'est la même chose. Et puis, donc, je finis avec les Gilets jaunes, puisque je pense que... alors, ça, c'est une fresque murale qui a été faite... rue d'Aubervilliers à Paris, Il y a eu des tas de fresques murales absolument impressionnantes par des street artistes. On voit que les street artistes sont vraiment dans le coup. Hein. Et bien, ça a disparu dans la semaine. Repeint tout de suite. Et le truc était énorme. Incroyable, un travail de fou. Et viré, il y avait au moins 10 fresques. C'est impressionnant. Ça faisait mal au cœur. C'est incroyable. Hein. On avait, je sais parce que je suis passé pour les prendre en photo, j'ai réussi à en prendre un peu. Deux jours après, terminé, les équipes de la mairie de Paris avaient nettoyé. De la mairie de Paris. Hein. Voilà. Merci. Donc, merci bien. Donc, merci Svo. Svo, c'est plus simple. Voilà. Et pour cette présentation de l'imagerie électorale. Ce qui est bien, c'est qu'il y a à la fois les contres et puis il y a les images complètement caricaturales des candidats. Donc, vous trouverez tout ça dans son bouquin et vous en trouverez plus. Et puis, on va quand même causer, hein, si vous avez des choses à dire sur les élections. Enfin, débat en disant que les élections, effectivement, c'est de la fausse démocratie, sachant qu'il y a un truc interdit en France, c'est le mandat impératif. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas quand ça existait, mais le mandat impératif, on élisait des gens, et ils avaient un an pour réaliser tel truc, et s'ils ne l'avaient pas fait, ils étaient révocables, leur mandat était révocable à tout moment. Donc, maintenant, t'es lié un type, il promet ce qu'il veut. Parce que je crois que le mandat impératif est interdit dans la Constitution. C'est écrit quelque part. Oui, c'est ça. Et donc, les mecs, ils peuvent promettre tout ce qu'ils veulent, mais de toute façon, ils ne sont pas obligés. Enfin, il ne faut pas qu'ils le fassent, mais. Et puis, il y a quand même des mandats qui sont longs, parce qu'un type dans une ville qui est élu pour. C'est combien les municipales? C'est 6 ans. Donc là, on a des petits dictateurs locaux dans tous les coins de rue. C'est fabuleux, quoi. Oui, il y a. Il y a plein de problèmes à soulever, parce que du coup, et puis surtout un homme politique, c'est ce qui est impressionnant, c'est le seul, enfin, c'est devenu un métier, mais c'est pas un métier. Normalement, la définition, c'est un mandat. Mais c'est le seul métier où il n'y a pas de formation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent débarquer, qui peuvent être élus par hasard, ça arrive tout de même, ça arrive parfois, mais il n'y a pas de formation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation sur la Constitution, sur le système. Alors, les gens d'En Marche, ils ont eu une semaine de formation. Mais vous vous rendez compte, des responsabilités non contrôlées, pas formées, ça veut dire qu'on risque tout de même aussi d'avoir des gens qui fassent n'importe quoi. Et puis, du coup, ça existe. Voilà. Alors, les Gilets jaunes, bon, ils ont proposé un certain nombre de trucs. Après, on n'est pas d'accord. Sur l'Assemblée souveraine, l'histoire du référendum ou cette initiative. L'initiative, voilà, c'est ça, à la Suisse, où moi, personnellement, j'ai pas d'idée là-dessus. L'Assemblée souveraine, c'est une assemblée de gens qui sont désignés par tirage au sort. Ah oui, il y a le tirage au sort. C'est le tirage au sort. Alors, le tirage au sort, ça fait un petit peu, parce qu'ils sentent tout de même qu'il va falloir bouger un peu, puisque ça va plus. Parce qu'on ne va pas voter. Parce que c'est un vrai danger, du coup, là. Du coup, si les gens ne vont plus voter, il y a discrédit. Donc, les gens sont tellement extérieurs à la politique qu'ils subissent ça comme un spectacle. Et c'en est un, parce que c'est une bataille. Et donc, c'est une bataille médiatique avec un jeu. C'est amusant. Ils s'entre-déchirent, ils se bouffent la tête. On s'envoie des fake news en permanence. Mais en même temps... Je veux dire que tout ça, c'est la gestion des cités, des villes, c'est la gestion des communes, c'est tout même grave, en fait, quelque part. C'est tout même sérieux. Voilà. Et ils essaient de trouver de nouvelles solutions. Alors, Villani, par exemple, qui se présente, il voulait présenter des gens sur sa liste, en fait, mais tout c'est tout même contrôlé, malgré tout. Par tirage au sort, comme les cours d'assises, c'est comme ça. Voilà. Mais. Donc et puis il y a des tas de listes citoyennes aussi, parce qu'il y a des tas d'organisations qui essaient de réfléchir avec des juristes, avec des gens qui essaient de voir comment être un peu plus proche des citoyens, parce que les citoyens sont si loin, vous comprenez? Comment être plus proche des citoyens? Donc il y a de vraies réflexions. Mais le gros problème, c'est que ces listes, ces mouvements citoyens, Il y en a tout de même pas mal. Hein. Finalement, moi, je pense parfois c'est assez intéressant qu'on devrait réfléchir un petit peu avec eux. Mais c'est squeezé par certains mouvements, par exemple à gauche, c'est très connu, qui récupèrent complètement là-dessus pour se remettre, vous voyez, dans le jeu. Quand ils sont sortis d'un jeu électoral, si vous voulez, alors qu'ils se déchirent à certains moments donnés, ils se remettent ensemble et ils mettent le mot liste citoyenne, etc. Voilà, éco-citoyen avec tout un vocabulaire de, un peu truqueur, enfin, à mon sens, hein, voilà. Est-ce que c'est un progrès? Non, parce que finalement, quand c'est des PRG qui sont avec des PCF, avec des PS, etc., et que tout ça s'est mêlé, et qu'en fait c'est les têtes de liste, les chefs de chaque structure, vous voyez, qui se retrouvent en même temps chez les élus, qu'est-ce que ça change rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça terrible, qu'à chaque fois, il y a une forme de récupération d'une réflexion, on l'a senti avec le mouvement des gilets jaunes, même si c'est imparfait, c'est pas idéal comme on voudrait, bien entendu, c'est pas possible, mais il y a eu tout de même une réflexion là-dessus, et ça a montré une défiance considérable par rapport aux hommes politiques. Et par rapport aux hommes politiques, mais on voit qu'à chaque fois ça récupère, que ça tente de récupérer des trucs à la mode, vous voyez, paf, et on va refaire la même chose, et donc on est loin du compte. Hein. Alors j'avais dit à la Fédération anarchiste, une des idées du livre, bien sûr c'était d'amuser, vous voyez, de montrer de l'histoire, de l'anecdote, etc. Mais c'était aussi, mon rêve à moi aurait été, si vous voulez, que se refassent des campagnes abstentionnistes, vous voyez, mais en unifiant un peu les organisations libertaires, vous voyez. Mais ça me semble très complexe. C'est pas simple. Voilà. Et je trouve ça malheureux, parce que c'est bien un sujet porteur, c'est bien un thème des mouvements anarchistes, en fait, depuis le début. Hein. Il y a un problème pour ça, c'est la personnalisation, parce que dans une campagne électorale, c'est une personne. Mmh, mmh. Donc il y a un effet de narcissisme, de représentation, de fascination. Mmh. Et ça, les libertaires ne supportent pas. Quoi. Ben, ça, c'est vrai. C'est le tir au pigeon tout de suite, le petit qui sort, qui c'est ça. Qui va, alors moi, je vais parler au nom des libertaires. Ah, ouais, c'est ça. C'est la levée des boucliers tout de suite. Sinon, Passerane qui avait présenté Patate. Ah oui, l'élection présidentielle. Ça, ah, c'est oui. Par rapport au problème de personnalisation. Mais moi, je pense que quand même aujourd'hui, le fort mouvement abstentionniste, le problème, il est là, c'est qu'il repose plus sur le rejet des hommes politiques. C'est eux-mêmes qui l'alimentent. Mmh. C'est pas l'action des libertaires, ce qu'on fait. C'est eux qui font le travail abstentionniste. Mmh. Mmh. Et puis, d'un autre côté, pour eux, le problème, c'est celui de la légitimité. Mmh. Mmh. La légitimité et la peur que les gens, à un moment donné, se posent la question de se réapproprier le droit de décider. Mmh. Et c'est pour ça qu'on rencontre un tas de propositions de démocratie participative, mmh. De RIC, de référendum d'initiative populaire, ou d'un tas de trucs qui détournent le... Et moi, je me suis rendu compte quand même, dans une discussion là-dessus, sur la démocratie, sur le vote et tout, lors des mouvements sociaux avec les gens et tout, c'est que souvent, les gens, ils aspirent, ils mettent en avant le mandat impératif, mm-hmm. le contrôle des mandats, la limitation du temps des mandats. Mais ce qu'il faut, ce qu'on a intérêt aussi à mettre en avant, c'est que ce qui est au centre de tout, c'est que les gens aient le véritable pouvoir de décision. Mm-hmm. Se réapproprier ça, quoi. Parce que sans ça, il n'y a pas de démocratie. Si on ne met pas la question du pouvoir de décision, on a beau réduire les mandats et tout, ce n'est pas la durée du mandat qui fait que ça devienne une démocratie directe, quoi, que ça devienne une véritable démocratie. C'est que les gens puissent se réapproprier le pouvoir des décisions. Et aussi, peut-être, aller plus en avant dans dans la critique de la démocratie, parce que quand même, à un moment donné, le vote et la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur une minorité. Quoi. Et qu'on peut aller sur une qualité supérieure à y chercher le consensus et avancer dans ce sens-là. Là aussi, il faut faire en réfléchir. Mais ça demande un temps, la démocratie. C'est-à-dire que dans le cadre des systèmes d'exploitation et de domination comme c'est aujourd'hui, c'est difficile, hein, c'est pas possible à mettre en œuvre. Et une des conditions, c'est aussi d'entreprendre la révolution sociale. Quoi. Parce que sans la révolution sociale, il n'y aura jamais d'égalité politique entre les gens. La révolution politique, elle a bien montré qu'elle n'a mené jamais ni l'égalité politique, ni l'égalité sociale. Et que ça passait, voilà, je pense que le discours là-dessus, on l'a un peu perdu dans la pratique, quoi. Les organisations libertaires, elles ont un peu perdu dans la pratique. Ouais. Et il y a énormément de mal à se mettre en accord les uns et les autres pour mener un véritable combat anti-électoral, quoi. Mais c'est lié à toute notre vision de la société, hein. C'est juste, et ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que lors des dernières élections, il y avait des listes qui s'appelaient Ma Voix. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ils ont essayé de répondre à ta question, c'est-à-dire que, enfin, les libertaires n'aiment pas, si vous voulez, d'avoir quelqu'un qui les représente, enfin, qui prend la place, en fait. Hein, voilà. Et ils avaient présenté des candidats, en fait, des affiches où on voyait, c'est un miroir. C'est-à-dire que, finalement, le candidat, c'est toi. C'est-à-dire, voilà. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est que des petites solutions à la petite semelle, en fait. Comment dire, c'est des solutions à court terme, en réalité. Ça, mais on voit qu'aussi, c'est dans la réflexion du temps, qu'on n'est pas en dehors, et que les libertaires, finalement, depuis Proudhon, ils ne sont pas en dehors du temps, quoi. C'est que la question, elle est toujours là. Et c'est que aussi, c'est que ça pourrit, quoi. Ça pourrit de l'intérieur, c'est que les gens ne partent plus voter. Et ou ne réagissent même plus parce que c'est devenu un spectacle. Donc du coup, c'est un show. Les médias, ils sont dessus depuis des semaines. Et on le voit, c'est un combat de chef, un combat de coq, c'est terrible, quoi. Et c'est vrai que moi, je regrette exactement, je suis d'accord avec toi, à 150%, parce que je regrette qu'on ne soit pas capable de se mettre d'accord, qu'on ne soit pas capable de revenir à des choses du terre-à-terre, disons, réaliste, et qu'on n'agisse pas en conséquence, quoi, comme ça pouvait se faire avant, et que ça s'est fait pendant des dizaines d'années, avec les comités abstentionnistes, etc., des candidatures, des gens qui se présentaient, enfin, c'était pas une solution, mais ils faisaient ça. Ils faisaient ça, et quelle était la portée, en fait, bon, mais ça existait. Le problème, c'est que l'abstention est tellement énorme que les libertaires, ils n'auront aucune visibilité. Après, tu peux crier victoire, mais tu n'as pas 30% de libertaires qui sont abstenus. Hein. Dans les 30 ou 40 ou plus d'abstention, il y a de tout. Il y a tout l'éventail politique, toutes les opinions. Ouais. Et après, bon, comme alternative, c'est vrai, bon, je ne sais pas ce que ça donne. Moi, je n'ai pas été voir de près, mais il y a des gens, après, qui ont suivi Bookchin, c'est le municipalisme libertaire. Donc, c'est-à-dire prendre le pouvoir quand même, et les élections existent. Alors, il y a l'expérience à Saillant, je sais que ça marche pas mal par assemblée générale, mais les gens, au bout d'un moment, se lassent. Il y a un turnover des élus aussi, ils restent pas tout le temps là. Et puis, pour chaque décision, en principe, on demande l'avis de la population, sauf que maintenant, avec l'intercommunalité, tu prends le pouvoir dans un petit bled, mais ça sert à rien, parce que c'est l'intercommunalité qui décide tout, quoi, c'est ça le problème, quoi. Mais bon, c'est des expériences quand même, il faudrait discuter avec eux, voir ce qui se passe dans des bleds comme ça, pour... Il doit y avoir quand même des choses intéressantes. Ouais. Bon, ils ont utilisé le moyen des élections pour arriver au pouvoir. Bon, pas pour prendre le pouvoir, mais pas le laisser aux habituels et tenter une expérience. À mon avis, c'est possible dans des petits patelins, sauf que après, je ne sais plus qui me disait qu'ils avaient quand même on était dans les Cévennes, ils avaient quand même un budget, même dans des tout petits bleds, et qu'ils pouvaient, c'est la population qui décide où tu mets le pognon que t'as, quoi. Au lieu de faire une connerie et faire un truc plus intelligent. Oui, mais c'est quand même très encadré par l'État. Ouais. Par exemple, une commune qui voudrait ouvrir une boulangerie alternative, elle ne peut pas. D'accord, pourquoi? Parce que l'État les Parce que les municipalités. municipalités sont pas censées subventionner des boulangeries. Non, non, ça ne fait pas partie des aucun cahier de charge. Même que le département, il ne fait pas ce qu'il veut, etc. Il y a un cahier de charge, il faut que leur dépense s'inscrive là-dedans. Le préfet refuse le budget et il faut qu'il revoie le budget. On croit qu'ils ont des libertés, mais en réalité, c'est une liberté très encadrée. Il y a d'ailleurs aussi la démarche de nos camarades italiens, Spesano Albanese, où là, c'est carrément, c'est pas de rentrer dans le jeu du pouvoir, mais carrément un contre-pouvoir qui contraint, qui peut, à mon avis, qui peut être beaucoup plus efficace que de rentrer dans ce jeu de pouvoir. C'est le conseil municipal bis qui regarde tout ce que fait le pouvoir en place. Et qui est contraint d'aller dans le bon sens. C'est intéressant, ça. Conclusion, les élections, ça sert à rien. Vive l'Assemblée Générale Permanente. Et puis le consensus, comme tu as dit, parce qu'effectivement, des décisions, comme on entend parler, indépendance de la Catalogne, et même s'il passe avec 52%, c'est 48% des gens qui vont pas être... ça, c'est le principe même de la démocratie, entre guillemets. Tu as 48% des gens qui sont pas d'accord et qui vont subir un nouvel État qu'ils veulent pas, quoi. Et effectivement, certaines indépendances, je sais plus dans quel pays, il fallait quand même qu'il y ait un gros nombre des inscrits, et puis il fallait 60 ou 70% pour que ça soit quand même marquant. Ouais, parce que le 51%, enfin, c'est grotesque, quoi. C'est, là, on en parlait tout à l'heure, Macron, il est élu avec combien de personnes? 2%, hein. Si on enlève les abstentions, il représente que 17% de la population, et le mec, il est là au pouvoir pour 5 ans. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Je veux dire, c'était déjà décrit par Octave Mirbeau, il donnait des chiffres déjà comme ça. Exactement. Oui, non, mais tout c'est toujours pareil. Tous les résultats, et il disait, mais regardez, je veux dire, ces gens-là, en fait, à chaque fois, ils représentent une minorité, je veux dire, systématiquement. On dit que c'est la démocratie, mais sauf que c'est jamais l'expression de tout le monde en même temps, fatalement, puisque c'est un jeu où exprime qu'à ce moment-là, fatalement, après, c'est sont ceux qui sont en place qui vont déterminer et qui vont aller à l'encontre de la plupart de ces gens-là. C'est pour ça, d'ailleurs, que de plus en plus, ils sont soi-disant, suivant les sondages et les opinions, ils sont pas reconnus par la population, je veux dire, ils ont toujours une popularité maintenant qui est constamment entre 20 et 30% maxi, qui est en fait uniquement leur corps électoral et point barre. Donc ça montre bien ça, quoi. Après, bon... Ouais. Réflexion des anarchistes devrait vraiment de saper quoi, cet outil qui est quand même l'outil à la base qui a été créé pour ce que représente la société au moment de la Révolution française, c'était les commerçants bourgeois, quoi, je veux dire, les choses comme c'est, quoi, je veux dire, c'était au service de cela, quoi, autre chose, quoi. Donc à un moment donné, vous l'avez décrit, il y a ce côté un peu révolutionnaire, républicain qui avait une idéologie, un idéalisme de l'élection qui disait que ça allait vraiment apporter une égalité. Ils étaient mais maintenant, ça veut, je veux dire, la République, elle est loin de dessiner cet état de fait. Et de croire que les élections et le vote et la représentation amènent des choses, on a un cas flagrant, là, ça, c'est avec la disparition de Simone de Veil. Tout le monde dit que c'est Simone de Veil qui a obtenu la loi sur... l'avortement et tout ça est toujours vrai. La loi, elle a été obtenue par toutes celles et tous ceux qui se sont battus, c'est-à-dire qui sont dans la société au quotidien et tout, et qui ont fait que les mentalités se transforment et que la société évolue. C'est pour ça que moi, je trouve ce truc de dire aller aux élections, même en contestant et tout, je trouve que c'est pas là, la question n'est pas là. Moi, que je sois représenté par un roi, un dictateur ou le peuple, ça me... La question, elle est de savoir comment on arrive à s'organiser, sur quelle base, et qu'est-ce qu'on veut, et comment on le met en place. Notre projet, il est là. Il n'est pas de savoir, de se moquer, oui, c'est rigolo. Mais le problème, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant ce que je viens de dire sur le droit des femmes, c'est beaucoup plus intéressant ce qui s'est passé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est beaucoup plus intéressant ce qui s'est passé sur la contestation du service militaire et du militarisme à un moment donné et tout. C'est là-dedans qu'il faut être, c'est là-dedans qu'il faut travailler, c'est là-dedans qu'on obtienne des victoires, qui ne sont pas des victoires qu'ils reconnaissent, et après coup, ils les reconnaissent et tout, mais on avance, c'est-à-dire qu'on fait bouger la société, elle bouge, et voilà. Donc après, c'est le débat, révolution, nanani, nanana, mais, je veux dire, mettre des forces, unifier le mouvement libertaire pour faire un truc sur les élections... pour moi, c'est pas. C'est, je veux dire, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais la question qui se pose, c'est que. Autrefois, il y a quelques années, il y avait des campagnes d'action civique pour appeler les gens à voter, etc., assez fortes, surtout au début de la Ve République, à l'époque du gaullisme. C'était assez important, donc c'était esprit républicain, entre guillemets, voilà. C'est qu'on est tout de même arrivé à un stade, c'est qu'ils s'en foutent complètement. Non, mais le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on peut s'organiser, mais il faut bien taper dedans à un moment donné. Parce qu'on est arrivé à un stade de, avec 17%, il n'y a même plus des trucs d'action civique pour que les gens s'y... Alors, c'est toujours intéressé. Et d'ailleurs, je le montre chez les électionnistes. C'est-à-dire que quand il y a des campagnes électionnistes, enfin pour appeler les gens à voter, c'est par intérêt. C'est soit pour attraper des jeunes de banlieue, parce que ça fait un électorat intéressant à prendre en main. C'est des mairies comme à Grenoble, c'est des mairies... Voilà. Et donc, ils font des campagnes, il y a des affiches, et voilà. Mais au niveau du pouvoir actuel, c'est vrai qu'ils n'en ont rien à faire. Ils posent quand même... Ils posent le fait de dire qu'ils veulent rendre le vote obligatoire en Belgique. Ils sont en train de réfléchir à ça. Et si ça diminue encore au niveau de la participation, c'est ce qui va nous tomber sur le compte de l'œil. Moi, ça ne me gêne pas, hein, je veux dire. Je crois qu'en Belgique, il n'y a pas tellement de poursuites contre les gens. Oui, voilà. Après, regarde les listes électorales, peut-être pour trouver du boulot, pour des trucs comme ça. Marseille, c'est dans les communes, il n'y a pas de logement social, il n'y a pas qu'à Marseille. C'est possible. Donc, d'autres questions? On continue à discuter autour d'un verre? Peut-être si vous avez encore le courage d'attendre 5 minutes, il y a un excellent texte de Gaston Couté qui s'appelle Les électeurs. Et c'est en regardant les différentes illustrations que tu as passées que tout d'un coup j'ai pensé, parce qu'à un moment tu as passé une carte avec les oies, les moutons, et en fait c'est exactement ce que dit Gaston Couté. Donc Gaston Couté, du coup, son texte, il a presque 120 ans, parce que je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il a écrit, mais comme il est mort en 1911, il a dû écrire en 1900 et des poussières. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas travaillé, et là, il est écrit en patois, alors ce que je peux, enfin moi, je vous le dis en français, hein, en à peu près français. Mais... Ah, bon Dieu, que d'affiches sur les portes des granges! C'est donc qu'il y a encore quelques baladins, aujourd'hui, dimanche, qui dansent sur des cordeaux au beau mi-temps de la place. Non, c'est point ça. Tantôt, on vote à la mairie. Et les grands mots qui flottent sur le dos du vent qui passe. Dévouement, intérêt, république, patrie. C'est le peuple souverain qui lit les affiches et les relit. Les vaches, les moutons, les oies, les dindons... s'en vont au champ, ni plus ni moins que les autres jours, en fiantant de loin en loin le long des affiches du bourg. Les électeurs s'en vont aux urnes en s'engorgeant. En route, allons voter, crèvons Dieu, les bonnes gens. C'est nous que je tenons... 7 heures. Oui, mais... Très bien. Ah, c'est nous, la charrue. Comment je dis ça en français, moi c'est nous qui tenons à faire les... Mangeons la jarre. Merci. J'allons la faire aller à Dia ou bien à U. Pas d'abstention. C'est vos idées qui vous appellent. Profitez de ce que l'on a le suffrage universel. Les vaches, les moutons, les oies, les dindons, pâturent dans les champs d'or, jamais goulés tranquilles, sans même songer qu'ils sont privés de leurs droits civils. Il y a Monsieur Chose et Monsieur Machin comme candidats. Les électeurs n'ont pas les mêmes paires de lunettes. Moi, je voterai pour ce qui-là. Oh ben moi, j'y voterai pas. C'est une foutue crapule. C'est un gars qui est honnête. C'est un partageux. C'est un cocu. C'est pas vrai. On dit qu'il fait élever son gosse chez les curés. C'est un blanc, c'est un rouge, qui disent les électeurs. Les aveugles se chamaillent à propos des couleurs. Les vaches, les moutons, les oies, les dindons... Sout un peu que leur gardeux est pour mon Paul ou bien Pierre. Ils brument, ils bêlent, ils gloussent, tout comme les gens qui votent. mais ils savent pas ce que c'est que de gueuler « Vive monsieur le maire !» C'est un tel qui est élu. Les électeurs vont boire. D'aucuns comme à la noce, d'autres comme à l'enterrement. Et le soir, le peuple souverain s'en retourne en brancillant. Il y a du vent. Il y a du vent qui fait tomber les poires. Les vaches, les moutons, les oies, les dindons prennent sous les derbes et grains tous les jours de la semaine et ils se mettent pas à choir parce qu'ils ont la panse pleine. Les élections sont terminées, comme qui dirait que là, les couvrailles faites et qu'on attend boisson. Faut que les électeurs tirent les culs blancs et jaunes pour les porter aux percepteurs de leur canton. Les petits ruisseaux vont se perdre dans le grand fleuve du budget où ce que les malins pêchent, où ce que naviguent les gros. Les électeurs font leur corvée. Cassent des cailloux sur la route où leurs représentants passent en carrosse, avec des chevaux qui sont un plaisir, les sales rosses, de semer les crottes à mesure que le peuple souverain balaie. Les vaches, les moutons, les oies, les dindons se laissent dépouiller de leurs œufs, de leur laine et de leur lait, aussi loin que s'ils avaient pris part aux élections. Boum ! Là, la guerre ! Là, les tambours qui cognent la charge. Portant drapeau, les électeurs avec leurs gars vont terper les champs de blé ou ce qu'ils moissonneront pas. Feu qu'on leur dit. Et ils font feu. En avant, arche. Et tant qu'ils peuvent y aller, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Les gros canons dégueulent quand leur pousse dans le pensier. Les balles tombent comme des prunes quand on secoue les pruniers. Les morts s'entassent et sous eux le sang coule comme du vin. Quand trois, quatre pognes solides serrent la vis au pressoir. V'là du pâté. V'là du pâté de peuple souverain. Les vaches, les moutons, les oies, les dindons, pour le compte du fermier, se laissent crever la peau, tout bonnement, bon Dieu, sans tambour ni drapeau. Et v'là. Pourtant, les bêtes se laissent pas faire, des fois. Des coups, le taureau encore le saigne de l'abattoir. Mais les pauvres électeurs sont pas des bêtes comme d'autres. Quand le temps est à l'orage et le vent à la révolte, ils votent. Elle n'a pas pu t'en empêcher. Donc, on a, donc je vous rappelle, on a les exemplaires du bouquin. Bon, c'est un beau livre.